Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 103e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette dernière émission de la saison, une émission un petit peu exceptionnelle, ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité à cause notamment de la présence de Majo que personne n'a envie de voir. Mais du coup, on a le gros plaisir et l'immense honneur d'inviter à nouveau l'équipe d'Ikimashou Game, à savoir Olivier Piazantin, le cofondateur d'Ikimashou Game. Salut Olivier. Hello. Merci d'être venu. Ça va bien ? Très bien, merci de nous recevoir. Bah avec plaisir, ça s'était bien passé la dernière fois, donc voilà, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Un qui est aussi déjà venu la dernière fois, c'est Shérif, Shérif Younis. C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités. Ça va bien Shérif ? Ouais, toujours. Ouais, tranquille. Et ensuite nous avons Yann Suquet, salut Yann. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien. C'est bien, t'as gardé ton. Merci. T'as gardé ton t-shirt, c'est très bien. On te remercie oui, pour merci. Ça. Oui, bon, merci. Et même mon pull. J'ai fait plusieurs couches. C'est une private joke un peu, mais bon. Voilà. Donc on voilà. On va flouter la marque, hein, pour pas se faire striker. Ouais, on va flouter. T'inquiète. Professionnel jusqu'au bout. Shérif, toi, t'es directeur technique chez Ikimashou Game. Je l'ai pas dit. Et Yann, toi, t'es directeur créatif. Oui. Donc t'es un peu l'artiste. Ça se voit à la couleur de son t-shirt. Exactement. D'accord. À la longueur de mes cheveux. Ah non, remarque, Shérif pourrait bien mâcher aussi avec les cheveux comme ça. Là, ça pourrait commencer à être pas mal. Ouais. Fais attention, bientôt calife à la place du calife. Là, ça va tirer. Ça tacle. On sent qu'il y a de l'ambition entre les deux. Ça va tacler. Il y a des PDG qui vont dégager bientôt, visiblement. Préparez-vous. Et puis du coup, vous l'avez entendu, il y a Majo aussi qui est là. Ça va Majo ? Oui, impeccable. Bon, très bien. Je suis chaud bouillant ce soir, là, pour ceux qui nous ont suivis. On enregistre le jeudi 22. Voilà. J'ai pété ma durée tout à l'heure sur le Discord général. Je reviens du général, je suis à bloc. Donc, je suis chaud bouillant. Il y a eu débat, et c'est ça qu'on aime. Toujours le même, mais bon. Si vous nous connaissez, vous savez en tout cas de quoi on a parlé. Ensuite, on a El Rocco. Salut, El. Coucou. Comment tu vas, El ? Oh, toujours bien. À bloc, parfait. Et enfin, nous avons Laurent. Salut Lolo. Salut. Il fait chaud. Voilà. Il fait chaud. Dernière de la saison. Oui. J'aime quand Majo me dit bonsoir, chef. Dernière de la saison, c'est vrai que c'est bizarre d'ailleurs. Normalement, les ouvertures et les fins de saison, c'est toi qui hostes, Majo. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, voilà. Moi, je. Il y en a qui montent, qui ont de l'ambition. Moi, je dégringole. Tu descends. L'année prochaine, je suis plus là. C'est vrai, putain, et en tout cas, on croise les doigts, effectivement. Je sais, ça fait des années que tu peux me virer, mais je suis encore là, tu vois. Bon, alors, du coup, on va faire une émission spéciale sur le dernier jeu d'Ikimashou Game qui va sortir sur PSVR 2, à savoir Tiger Blade. Mais avant cela, on va commencer par les news de Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières semaines sur PSVR 2, mon petit Lolo ? Alors, il n'y a eu pas grand-chose, on va dire, dans le sens où on a déjà parlé de tout l'upload showcase, donc oui. Tous les jeux qui avaient été annoncés. Je crois qu'on avait déjà parlé de Paint the Town Red, le troisième épisode de Dyschronia, Phasmophobia, on en a parlé de Phasmophobia ? Absolument pas. Phasmophobia. Absolument pas. Mais on n'a rien parlé. Maintenant... On n'a pas parlé de tout ça, en fait, là, il y a deux semaines. Hein. Ah non, oui, parce qu'en fait, on était un peu dépités, on a dit « ouais, que des jeux de merde », et puis bon, voilà. Ah bon, alors, ce qui est un peu succinct, alors. Non, parce que. Ouais, écoutez, mais celui-là, on l'avait vu au PlayStation, il a été présenté au Showcase PlayStation. Il était sur le PlayStation. Parlé. Ouais. Je m'en sors bien. Donc, le plot VR Showcase, donc, c'était il y a deux semaines, ça, je crois, il me semble. Ouais, donc, il y a eu pas mal de jeux, comme d'habitude, en général, plot VR ont tendance, en ce moment, à pas mal présenter un max de jeux Quest. Donc, pour les fans de PSVR 2, c'était un petit peu la douche froide parce que c'est vrai qu'au final il y a eu énormément de jeux Quest et quelques jeux à la fin, mais il y en avait déjà pas mal. Nous on en a profité, on a regardé le plot VR Showcase sur la chaîne de Julien Chaise, Et c'est vrai qu'on a vu que la plupart des personnes se sont barrées en cours parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient plutôt consoles, qui attendaient des jeux PSVR 2. C'est dommage, ils ont loupé quand même Synapse qui était à la fin, qui quand même à mon avis va envoyer du lourd. Mmh. Mais il y avait quelques petits trucs qui étaient bon, il y avait des petits jeux, il y avait B99, Barbaria, j'ai cru que c'était Barbarian sur CPC 464, mais pas du tout, c'était Barbaria, je sais, voilà. Il y a Pentathon Red qui va sortir aussi sur PSVR 2, il y a le troisième opus de Dyschronia qui arrive également. Après, on a un jeu de tennis aussi, Tennis on Court. Donc on n'a pas vu grand chose, il y a même pas de trailer je crois, mais il y a un sponsorisé, jeu de tennis full sponsor par Decathlon. Ah, oui, c'est celui-là. Oui, exact, ouais, d'accord. Le fameux. Il y a un autre jeu, Unity Farm. Donc, il y a eu pas mal de petits jeux comme ça qui ont été présentés. Il y en a eu beaucoup, hein, parce que je crois qu'ils en ont présenté plus d'une soixantaine sur une heure et demie. Il y avait des jeux, on se doute qu'ils pourraient arriver sur le PSVR 2, mais pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation. Mais bon, je pense à Stride Fates, qui pourrait bien arriver aussi. Mais celui qui fout, on va en parler un petit moment, c'est Phasmophobia, qui est quand même un jeu qui a fait un petit carton sur PC et qui est relativement sympa pour son côté coop. Et puis se flipper dans un jeu d'horreur à 4, à mon avis, ça doit être un truc sympa. Et donc là, ça n'a pas été annoncé à l'upload VR Showcase, mais c'est directement le studio qui a annoncé qu'il était en train de préparer une version PSVR 2 du jeu. Donc, et ça, on en a déjà parlé justement, qu'on était très très très impatient de le voir justement débarquer sur PSVR 2. Moi, je veux faire des parties avec Majo absolument. J'ai progressé, hein, j'ai moins peur maintenant, t'as vu. Je veux ressentir son stress et ça flippe. Tant que je suis pas tout seul, tout va bien. Ouais, mais je peux te dire que même quand t'es avec tes potes pour l'avoir vécu, tu te sens vraiment seul. Hein. Mais vraiment, mon Dieu. Me tarde. Ah mais le côté coop, le jeu d'horreur en coop, à mon avis, il y a de quoi vraiment se marrer, parce que c'est sûr qu'on va être surexcité, il y en a un qui va pousser des petits cris, on va être mort de rire, à mon avis, c'est un truc qui peut marcher quoi. Par contre chef, il va falloir faire abstraction de ton côté exigence sur les graphismes, parce que je l'avais essayé quand on s'est vu pour la centième, il est quand même pas très beau, ça y est. Oui, mais ça va, franchement. C'est dans le noir avec une lampe torche, ça cache pas mal la misère. Ouais, ouais, mais les textures, notamment les textures de bois, tout ça, on n'est pas sur un truc ultra détaillé non plus, quoi. Ouais, hein. On est sur un jeu qui déjà est dans le noir, et ils sont pas non plus trop foulés. Donc j'espère qu'on aura droit à quelque chose d'opti, mince, mieux que cette version PC qui nous fera un petit geste justement pour cette oignons. Sortie. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas forcément de plaisir, parce que t'as vu que dans Survive, on tout peut. Tout à fait. Voilà, on peut avoir quelque chose de vachement. Mais le moteur de la voiture est un cube. Ah ouais, non mais. Mais encore, franchement, ça serait bien. S'il y avait de la 3D dans ce moteur, ça serait bien. Mais y a la non, mais pas. Le plaisir n'est pas là où on l'attend. Et après, exactement. Voilà. Et après, Phasmophobia, le jeu est sorti quand même maintenant, je crois, il y a 2 ans. Il est pas récent. Ouais. Il a subi d'énormes transformations au fur et à mesure des patchs. Maintenant, il a beaucoup plus de maps et beaucoup plus de contenu que quand il est sorti. Il a aussi de l'optimisation qui a été un petit peu améliorée sur ce jeu-là. Mais quand il est sorti, le jeu était quand même assez gourmand. Hein. Sur une 1080, sur les grosses cartes, il avait tendance à ramouiller un peu. Hein. Non optimisé. Donc j'espère que. Et c'est un très très petit studio aussi, je crois. Hein. Ouais. Il n'est pas tout seul d'ailleurs. Il était tout seul le gars au départ. Ouais. Il est tout seul. Voilà, c'est ça. Il était tout seul. Vous avez l'occasion de le faire, Olivier. Toi, t'as déjà pu l'essayer celui-là, Phasmophobia. J'ai vu des playthroughs, mais j'ai pas joué parce que ça fait peur. Oui. Ah, je suis pas tout seul alors. On a un peu la trouille. Tu sais, quand tu finis tard au studio et que tu te dis, tiens, je lancerais bien un truc, tu lances pas Phasmophobia. Pour te détendre. Pour te détendre, c'est bien, non? Et toi, chérif, t'as essayé? J'allais enchaîner en disant, pour pas qu'Olivier tombe tout seul, non, c'est un peu un trait commun, en fait, d'éviter les trucs sombres dans les caisses. Ah ouais? D'accord. Je vais faire un commentaire plus général pour dédainer tout le monde. Vous ne verrez pas de jeu d'horreur sortir d'Ikimacho. Voilà. D'accord. Probablement pas rentrer non plus d'ailleurs. En fait, il y a un truc à la porte. En fait, c'est ah ouais, ça c'est marrant. Pas, ça sort pas. Non, c'est non. C'est pas No Westaway to Heaven, c'est No Horror quoi. Ouais, c'est ça. On est pas screamer. On n'aime pas ce qui te saute à la tronche et qui te fait. Après, on a des idées. Hein. Mais non. Ah ouais. Mais je trouve que c'est pas c'est pas une mauvaise façon de penser pour un studio, parce que c'est vrai que quand la réalité virtuelle, et même encore aujourd'hui, pour essayer de la vendre, en fait, il y a quand même beaucoup d'expériences d'horreur, parce qu'elles sont quand même assez saisissantes, et justement au niveau de l'immersion, c'est quand même le style ultra efficace de base, mais qui est quand même pas à la portée de tout le monde, quoi. C'est pas fait pour tous les joueurs. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure façon de découvrir la réalité virtuelle que de faire un jeu d'horreur, en fait. C'est quelque chose. Et puis, il y a des joueurs qui feront tester la VR via ces trucs-là, mais juste pour avoir la petite vidéo à uploader derrière. Mais c'est jamais un bon moment, quoi. Non, c'est ça. Après, il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent chercher ce frisson-là, mais Je suis là. Plus être des érudits que des néophytes qui font leur premier pas dans la VR. C'est ça. Bah, tu vois, j'ai un ami, lui, il a la même réflexion, tu vois, la même logique, mais sur les jeux plats. Il me dit, mais toi, en parlant de moi, mais quel plaisir tu as à te faire flipper dans un jeu d'horreur. Enfin, tu vas lancer Silent Hill 2 et tout machin, tu vas te chier dessus, tu vas être mal à l'aise et tout. Quel est le plaisir? Il est là, le plaisir, justement. Le plaisir, c'est de ressentir des choses, c'est l'adrénaline en fait que ça envoie. C'est vrai que ça fait une petite le petit gouzi-gouzi dans le ventre. Exactement, toi, tu vois. Moi j'aime pas ça, je suis en plein Resident Evil 8 en ce moment, je viens de passer. Mais parce que tu sais que je suis là derrière. Le passage le plus horrible, et comme je dis, en fait, c'est horrible à vivre, enfin, mais finalement il y a un petit goût de reviens-y après. Bizarre. Mais le bébé, il était chaud. Un peu du masochisme, mais. Le bébé était chaud, putain, je l'ai mais passé. Mais c'est. Ouais, mais c'est flippant, mais je veux dire, c'est drôle, quoi, finalement. J'ai beaucoup aimé les petits cris de Majo poursuivis par le bébé. Ah ouais. J'ai perdu toute virilité depuis. Fais-le, Laurent. Tu sauras. Je vais le faire. Moyenne. Pour ajouter juste à ce que disait Sheriff, en fait, c'est que c'est pas fait pour tous les joueurs, c'est pas fait pour tous les studios non plus. Mm-hmm. Parce qu'en fait, si on se mettait à faire des jeux d'horreur, on ferait pas des bons jeux d'horreur, en fait. Ouais, parce que c'est pas dans votre ADN, en fait. Ouais. C'est ça, c'est pas dans notre ADN, c'est pas ce qu'on aime faire, c'est pas ce à quoi on joue. Mm-hmm. Donc du coup, on ferait pas des bons trucs. Donc, ouais. Il y en a d'autres qui sont très compétents sur le domaine, donc on laisse ça aux autres. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est pas vraiment le fait que vous le développiez pas, c'est plutôt le fait que vous n'y jouiez pas. Bah, comme il disait, en fait, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. C'est pas un kiff pour tout le monde. Ah non, mais je pensais que c'était vraiment. Enfin, je pensais, la manière dont il a dit, je pensais que c'était plus d'un point de vue créatif, en fait, pour pas. Enfin, pour garder des idées propres. Non, voilà, c'est vraiment que. Ah non, je l'ai pris comme ça, en fait, d'accord, rien à voir. D'accord. C'est moi, je vois les ficelles, je vois le jumpscare, je sais qu'il va venir, je sais quand il vient, et je fais un bond de 30 mètres. Donc, quand même. Voilà, je c'est donc efficace, non, en fait je ne me fais je ne je ah ouais non faut baisser vrai. Le son donc du coup je ouais non donc du coup en fait on ça, essaye, ça... Hein. Et puis en fait de temps à autre je fanfaronne, j'y retourne, je leur attends, ça fait 2 ans, c'est bon, j'ai grandi, je suis devenu plus mature, que dalle. Ouais. Donc du coup voilà quoi. Ouais. Non, c'est pas du tout le contraire, en fait je pense que c'est un VR et que ça peut être intéressant pour nous, hein. Je sais pas si vous l'avez terminé, mais moi Alix, je l'ai pris Day One sur PC. Ouais, la version PSVR 2 est top. Et dès que du coup t'entends un bruit et que ça devient un peu noir, bah voilà, merci, au revoir, quoi. Ouais. Un fabuleux jeu, ça m'a coûté plein pot, mais l'aventure s'arrête là. J'ai ramené mon flambeau, il s'est éteint. Bonne soirée. Donc chérie, tu es du genre à pas finir tes jeux, quoi. Non, je l'ai fini et j'ai plusieurs règles là-dessus. Je me dois de jouer à un maximum de choses, sauf les jeux d'horreur. Donc j'y joue en facile et en ligne droite. Je fais peut-être une ou deux quêtes annexes, mais le but en fait c'est d'avoir cette espèce de répertoire gigantesque d'où je peux piocher plein d'idées et d'astuces que j'aurais découvert et dont je me serais imprégné. Mais ouais, je me fais beaucoup beaucoup juger sur ça, mais m'en fous. De quoi? C'est bien, de les faire en ligne droite. C'est la bonne démarche. D'aller faire en ligne droite, mais surtout en facile. Bah en fait, si en mode journaliste, si tu t'intéresses un petit peu, ouais. Si tu t'intéresses un petit peu aux jeux vidéo et que t'as envie quand même de te faire une bonne base de connaissances sur le jeu, surtout dans votre métier, il y a pas vraiment de honte à avoir. Enfin franchement, cette espèce c'est de même pas une histoire de honte, hein. C'est vraiment mon approche parce que je suis plus technicien que designer. Mmh. Je vais m'intéresser en fait à la fabrication plutôt que au ressenti. Il y en a d'autres dans le studio qui adorent jouer au mode maximum roi de la guerre, tout ce que tu veux, mais voilà quoi, c'est Moi, je suis un peu moi, comme toi, pas de être toute façon. Au tuto en train de me faire éclater par c'est ça, des en fait. Pages, c'est pas mon kiff. Non, parce que t'as pas le même regard. En fait, toi, tu observes un petit peu plus les ficelles, les choses, tous les petits tips qui peuvent te servir bah, dans ton propre travail, dans la conception ouais, c'est ça. Du jeu. En tout cas, c'est comme ça que je le justifie. Bon, bah après, c'est, l'important, c'est aussi le plaisir que tu y trouves, parce que c'est sûr que si t'aimes pas marteler, recommencer 50 fois un boss ou même un ennemi tradit pour comprendre tous les patterns, etc., pour réussir à le vaincre, que tu préfères le faire en ligne droite et. Ah non, moi, il y a une touche que j'adore, c'est R2 en général. C'est le gros coup, ça fait le taf, le café et tout le reste. Ah, tu as joué à Godfall du coup. Voilà, le jeu que personne ne connaît, voilà. God of War. Et pourtant, c'est l'un des premiers jeux. Voilà, c'est l'un des premiers jeux PS5. Exactement. En plus, Emma Joe, tout fier à la sortie de la PS5, il était à fond sur son Godfall. Bah, on lui mettait des vents sur des vents. J'ai 120 heures de jeu dessus, j'y ai trouvé du plaisir. Ah ouais, bien. J'ai essayé la démo sur PC, j'ai fait bon, bah ok, non. Non, merci. Non, mais c'est le gameplay de God of War, mais sans le scénar, en fait. Sans Kratos. Il n'y a rien du tout. Mais le gameplay est cool. Okay. Bon, on digresse. On digresse, et je sais même plus ce qu'on était. Phasmophobia, ouais, c'est ça. On était en train de faire le tour vite fait de quelques jeux, et Phasmophobia qui a été annoncé, je sais pas si on en avait parlé, donc voilà. Petite parenthèse également, c'est l'officialisation aussi du premier opus Fisherman's Tale de Inner Space, le studio français qui avait fait aussi la péri sur HTC Vive. C'était une petite démo d'une danseuse qui était plutôt bien foutue. Là, on a eu Another Fisherman's Tale. Les deux étaient bien. Soyons précis. C'était. Et donc là, on a eu Another Fisherman's Tale qui est sorti sur PSVR 2 il y a pas très longtemps. Et là, on a le premier opus. Donc c'est leur premier, on va dire, jeu, parce que c'est quand même une expérience qui dure à peu près une heure. Là où Another Fisherman's Tale tient à peu près 5 heures. Mais c'était quand même une super bonne expérience sur PSVR, et ça ressort sur PSVR 2. Donc il faut le préciser. Ouais, voilà. Mais quelle version? Du coup. La première le premier jeu, ouais. La version Quest, tu veux la dire, ou la PSVR. Version PSVR, la version non, PSVR. Quand même. Ah bah, non, pas fait ça. À mon avis, ce sera la version. Alors, c'est important aussi de le dire, c'est que le premier Fisherman's Tale était plus beau que le deuxième Another Fisherman's Tale. Quand on met les deux à côté, c'est flagrant parce qu'il y a des scénettes qui sont identiques, donc on les met à côté, on voit qu'il y a eu une downgrade graphique sur le 2. Mais cette version-là, ben, franchement, moi je l'avais trouvée sympa sur PSVR, donc pas mécontent qu'elle arrive sur PSVR 2. Alors je ne sais pas comment ça va marcher, si ce sera gratuit pour ceux qui ont déjà la version PSVR. À suivre. Et si vous voulez en savoir plus sur ce premier jeu, n'hésitez pas à aller réécouter l'émission où on les avait invités, où c'était également très sympa, et vous saurez tout dessus, tout simplement. Et les petits détails du développement. Ok. Et donc autre news. Donc la semaine s'est passée, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu plein de petites guéguerres entre Microsoft et tout ça. Mais ça, c'est Twitter. Ils ont dit quoi, Microsoft, en fait? On en parle ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça reste de l'ordre de la rumeur. Il y a des textes, voilà. Mais bon, ça reste de l'ordre de la rumeur. Donc laissons-leur le bénéfice du doute. On peut dire que par contre, ils ont augmenté leur console. Ça y est. Voilà. Et le prix du Game Pass. Augmentation du Game Pass, augmentation de la console. Il y a eu quelques punchlines aussi qui ont été balancés. Je crois qu'il y a un petit truc sur la VR qui est sorti. Comme quoi. L'Apple Vision. Hein. Ah oui, un jeu à succès pour Microsoft, c'était 10 millions d'exemplaires vendus. Voilà. Donc, et pour l'instant, ça ne les intéressait pas. Voilà. Donc aucun des jeux Xbox. Allez, ça c'est fait. Voilà. Voilà, ça c'est coché. Hellblade 2, c'est pour donc, les commentaires. Hellblade 2, c'est pour les commentaires, lâchez-vous pour le partage. Non, je rigole, je troll, je Hellblade plaisante. 2, moi franchement. Hellblade 2, à mon avis, quelle tristesse. Compter, quoi. Putain, ouais. Le premier était tellement bien. Ouais. En VR. Et donc, on va venir au vif du sujet quand même. Les 4 nouveaux jeux qui ont été annoncés PSVR 2 sur le PlayStation Blog, c'était cette semaine ou la semaine dernière, le 15. Donc c'était il y a quelques jours, une semaine. Donc on a eu Tiger Blade, mais ça on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Il y a eu Wanderer qui est enfin officialisé. Alors on le savait depuis un bon paquet de temps, parce que quand le premier Wanderer était sorti sur PSVR, le studio nous avait déjà dit de toute façon, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce jeu-là, il était sorti sur PSVR à la fin de vie du PSVR. Donc ils nous avaient clairement dit que de toute façon là ils étaient déjà en train de travailler sur la version 2. Puis après il y a dû avoir des contrats de signer, c'était silence radio. Et donc là cette fois ça y est, c'est officialisé. On a bien un Wanderer qui déboule sur PSVR 2 et qui est plutôt un remake. Un, un remake, ouais. Ils le définissent clairement comme un remake. Pour plusieurs raisons, parce que déjà il a un titre, il a un titre complet. Ouais, c'est oui, maintenant the c'est pas Wanderer. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire The Fragments of Fate? Of Fate, oui, pardon. Ouais. Le fragment de quoi? Du destin, de la destinée, c'est ouais, ça. Destinée, ouais. Bah du coup, est-ce que ça veut dire que le jeu, je ne spoil pas, mais va aller plus loin que celui sur PlayStation VR, parce que la ouais. rupture était légèrement brutale pour ceux qui l'ont fait. Nouveau contenu aussi, parce qu'il y a alors, des lieux qui sont approche, plus développés. C'est une approche qui est peu courante, parce que il y a beaucoup de gens, quand on a commencé à parler de Wanderer, la suite sur PSVR 2, ils ont dit c'est le 2, c'est le 1. Je dis non, c'est le 1, mais qui est un petit peu arrangé. 1,5. Dans sa vision, voilà. Le 1, c'est plutôt vision, un 1,5, on va dire. Nouveau graphisme, nouveaux. Oui. Alors, bien sûr, tous les effets volumétriques, la puissance de la console, le rendu fovéal, tout le tralala, les manettes, les machins qu'il y a sur tous les jeux PSVR 2. Mais surtout, ils ont rajouté des éléments de miroir. Gameplay et ah oui, il y a les miroirs. Oui. Mais c'est pas mal ça, c'est pas mal parce mais que non, du coup, mais on mais se c'est voit, la feature, c'est voit la dans, feature dans, qui dans manquait. Miroir. C'est un peu un truc qui manquait qui était un peu essentiel parce que dans bah oui. Wanderer, on ne contrôle pas qu'un seul personnage. C'est mais du coup, ça te permet de visionner le personnage par rapport à l'époque où tu es et ça ancre un peu plus dans l'immersion. À la Code Quantum. Et, bah oui. Exactement. Exactement. Et puis tu mets un miroir à quelqu'un qui joue en VR et il passe une heure. C'est exactement. Ça, ouais. On peut lever les bras, ouais. Bien. Comme un singe. Oui. L'effet Batman. I'm a woman. Bah oui. Et on peut rajouter à ça, du coup, comme on le voit dans le miroir, on a le corps complet, contrairement à la version PSVR 1, pardon, où nous n'avions que les mains. Carole sera contente. Ouais. On a le corps, on n'a pas que les mains. Et on a eu de longues discussions sur ce Wanderer où le premier niveau se passait dans un milieu un peu post-apocalyptique style The Last of Us. Et le regret de Elroco, c'était justement qu'on arrivait dans ce niveau et c'était très court. On passait très vite à une autre époque. Bah en fait, ce niveau-là, je crois, ou je sais plus. Ce niveau-là servait simplement, un tuto, une transition. Où tu allais jusqu'à l'appartement et après basta. L'appartement c'était un petit peu ton hub central où tu chopais un petit élément qui te permettait de permuter d'une époque à une autre et tout et basta. C'était pas plus développé. Alors que là, on voit des moments où tu te balances de liane en liane, des choses comme ça. Ouais, tu peux embarquer ton équipement que tu récupères dans d'autres dimensions. Tu l'embarques derrière ton dos et tout. Donc c'est un petit peu développé cette période. Ils ont rajouté plein de features en fait. Tu peux escalader, tu peux nager. Et de mémoire, le seul endroit où il y a de l'eau, justement, c'était l'intro. Cette première zone. Ouais. Tu peux plonger avec les crocodiles. Exactement. Ah, il faut surtout pas plonger, apparemment. D'après. Tu peux nager. Donc, si tu peux nager, pas longtemps. Ça doit servir à quelque chose. Quoi. Donc, ils ont, j'ai l'impression, beaucoup plus linéarisé le voyage ou le passage entre les différentes époques et dimensions, et ils ont beaucoup joué là-dessus. Mais la mise en scène aussi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort sur la mise en scène. Ah, puis Sam il fait d'autres choses apparemment. Là, il y a un moment, c'est furtif, il y a certains éléments du jeu qui te servent dans certaines dimensions, comme la canne à pêche, qui vont être scannables grâce à Sam. C'est la petite montre qui te parle et tout, qui t'explique un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, il y a des éléments de gameplay supplémentaires et des choses comme la canne à pêche, normalement elle est là, elle t'attend. Là il va falloir la scanner, certainement la matérialiser dans le jeu. Donc en fait c'est une refonte un peu complète. Oui, ouais, c'est un remake. Ils le définissent comme ça sur le site, c'est un remake. Ouais. Donc leur vision de jeu de base, ils arrivent à la faire sur PlayStation VR 2. En fait, on a une bêta sur Playstation VR 1. Ouais, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Ou sur PC. C'est exactement ça, parce ou que déjà à l'époque, quand il était sorti le premier opus, ils avaient communiqué comme ça, je sais plus, c'était dans le blog ou je sais pas quoi, que cette version de Wanderer n'était pas la version qui aboutit, qui voulait vraiment créer. Et c'est là où ils avaient commencé à sous-entendre que ça allait arriver sur PCVR et sur PSVR 2. Mais à cette époque-là, le PSVR 2 n'était pas officialisé. Donc, ils nous avaient bien fait comprendre qu'ils étaient en train de retravailler sur... Et là, apparemment, cette fois, c'est la version qu'ils voulaient faire. Le Director's Cut, quoi. Mais en plus, Wanderer, pour rappel, c'est un jeu qu'on avait vraiment adoré déjà dans sa première version. Alors, autant dire qu'on attend vraiment de pied ferme, justement... Cette semaine, j'ai pas mal titillé le studio. Bon, alors c'est bien, c'est qu'avec eux, on est toujours en bon rapport, ça se passe super bien. Et là, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils avaient encore des contrats, qu'ils pouvaient pas en parler, mais que dans la semaine qui allait venir, certainement qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur ce, sur toutes les nouveautés de Wanderer. Voilà. Je crois qu'ils l'ont teasé sur Twitter aussi, d'ailleurs, avec un peu d'humour. Oui. en disant oui, bon, il est sous-titré en français, enfin, parce que c'était pas le cas de la première version. Je crois que c'est arrivé à quasiment un an après la sortie du jeu. C'est arrivé bien après. Et nous, enfin, moi, je l'avais fait en anglais non sous-titré. Donc, bon, après, surtout pour les énigmes qui sont un peu particulières, notamment Tesla, j'avais un peu galéré. Et bref, donc là, du coup, il est full sous-titré en français. Ils ont dit pour les doublages, en fait, ben, amusez-vous à lire les sous-titres à voix haute. Comme ça, vous aurez votre propre doublage personnel. Et donc, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas con. Voilà. C'est pas con. Ok, c'est tout pour Wanderer. C'est top. Ouais. Ensuite, on avait. Ça claque. Voilà, le trailer, il claque, c'est magnifique. Oui, c'est chouette. Ouais. Après, ah oui, si, pardon. Et alors, attendez, on sait pas. Parce que ça s'est beaucoup interloqué aussi. On a eu le débat sur Twitter sur le fait que ça soit une upgrade gratuite ou payante. Étant donné qu'ils le définissent comme un remake, je pense que ça sera payant. Voilà. Donc, s'il y a du travail derrière. Bon, malheureusement, s'il y a du travail, s'il y a un maximum de travail, c'est un nouveau jeu. Et apparemment, il y en a. Enfin, vous achetez quand même des FIFA et des Call of chaque année, les mecs, au bout d'un moment. Ouais, pour la mise à jour de la liste des transferts, ça fait un peu cher. Revoyez vos priorités et votre argumentation. Non, et puis là, oui, s'il vous plaît. Le jeu, il a été complètement refondu par rapport à la version PSVR. Alors, non, mais faut pas déconner. C'est normal qu'il y ait. Est-ce qu'on a un vrai public maintenant? Dans le. Si. Oui, Paris, dans Woodstock, ah oui, tout à fait, on le voit dans le trailer. C'est plus des cotons-tiges. Ils ont fait un effort. Non, ils ont bien retravaillé là-dessus. C'est Michi-Michi. Ouais, Michi-Michi. Hein. Il y a des mecs qui portent d'autres personnes. Ouais, il y a des trucs en plus. Mais compare à la version. Non, compare à la version PSVR de base, quand même. Ouais, mais bon. Là, ils avaient peiné, là. Oh, ben c'est un peu normal. Mais ça restait quand même très beau. Oui, enfin, c'était quand même très beau. Carrément. Non, le public était dégueulasse. Le public était le jeu lui-même est superbe. Mais le jeu était concentré sur la batterie, faut pas déconner. Oh, t'avais pas le choix, sinon tu te faisais rétamer à ce moment-là. C'est ça. T'avais intérêt à être réactif. T'as les jeux de rythme, j'aime pas ça. Ils t'imposent une énigme, une épreuve là-dessus, quoi. Les boules. C'est ça. Ok, et ben Wanderer, du coup, on a hâte de voir ça. Après, on a l'officialisation de Pixel Rift 1995. Donc, on a déjà le 1978 qui vient de sortir, le 95 qui est arrivé sur PSVR2. Et le premier, bah, qui devrait logiquement faire partie du lot aussi. Le 95, c'était le deuxième. Hein. Ouais, oui, le deuxième. Ils sont durs à suivre. Le premier, c'est 89. 89. Oui, voilà. Je cherchais la date. Exact, c'est ça. Ouais, c'est le même jeu. Le 95, du coup, c'est le même jeu. Il est juste à 120 Hz, je crois. Et puis, les générations compatibles avec les VRSense. Il était déjà très bien, okay. Comme il était. Hein. Oui. De toute façon. Le concept est sympa. Et The Seven Guest VR. Donc là, c'est un mystère. Par contre, celui-ci, parce que c'est quand même un jeu qui date de 93. Ouais, merci Majo, voilà 4. Mais de rien. Donc c'est quand même là aussi, il a été totalement refait. Par contre, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur PSVR2. Pour l'instant, on se limite qu'à un trailer. Donc. Alors ils ont fait, ils ont mis un peu l'accent. Alors j'ai regardé vite fait à quoi ça ressemblait. Bon, c'est vrai que c'était du full image de synthèse de l'époque. Alors c'était PC, CDI, je crois que c'était sorti et Mac. C'est ça. Donc en fait, il était réputé pour avoir, on va dire des vrais acteurs, mais un peu comment dirais-je, sous forme d'hologramme, mis dans des images en 3D. Donc là, ils ont essayé, on le voit un petit peu dans le trailer d'ailleurs, ils ont essayé de reproduire un peu ça, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Et ils appellent ça en fait de la capture vidéo volumétrique. Ouais, c'est ça. De la capture vidéo volumétrique, et en fait, c'est le même principe que, je sais pas si vous vous rappelez, dans Matrix, les faits bullet time à l'époque étaient faits avec des appareils photo mis en cercle. Mm-hmm. Ben là, c'est la même chose, mais avec des caméras vidéo en fait. Et du coup, ben, ça permet de rendre, d'avoir un rendu qui est, on va dire, à la hauteur de la photogrammétrie qu'on a sur Puzzling Place, mais avec de véritables acteurs. Donc voilà, ils mettent un peu l'accent là-dessus, et puis ils insistent un peu aussi sur l'éclairage volumétrique, voilà. Qu'on a vu dans le trailer. D'ailleurs, trailer qui est mis sur la chaîne Wrack pour comparer le trailer de la version PSVR2 à la version Quest, puisque c'est un jeu qui sort aussi sur Quest, voilà. Du pur Vertigo Games. petit moment coco. pardon, petit moment cocorico et aparté sur les VFX de Matrix, puisque ça a été fait par une boîte française, mais en fait l'effet du bullet time, qui est donc le mouvement de caméra circulaire plus les balles qui tracent, en fait c'est la combinaison de deux effets qui ont été faits dans des pubs de Michel Gondry pour Smirnoff fin des années 90, par une boîte française qui s'appelle Buff, BUF, où j'ai travaillé. D'accord. Et donc voilà, et vous pouvez les voir sur buff.com, et vous trouverez dans l'historique, en fait vous trouverez ces deux pubs qui sont les pubs Smirnoff à nouveau fin 90, et qui sont assez marrantes. Et les Wachowski en fait étaient venus voir Buff pour comprendre comment l'effet avait été fait pour ensuite pouvoir le reproduire dans Matrix. Voilà. D'accord. Donc, petit moment culture et cocorico. Ouais, voilà. Intéressant. Buff.com. Ouais. Et puis Michel Gondry, quoi, respect absolu. Et oui, c'est français. D'accord. C'est pas dans Blade 2, Bullet Time, hein. Dans Blade 2 ? Comment ? Dans Blade 2, bien sûr. Dans Blade 2, il y a une séquence Bullet Time. Je ne sais plus quand il est sorti Blade 2. Ah, ce dont je me souviens dans Blade 2, c'est surtout le combat en image de synthèse avec. Ouais. Dans Blade 2, il y a Bullet Time. Je ne l'ai pas suffisamment regardé, c'est mauvais signe déjà ça. Ouais, non, mais personne n'a vraiment beaucoup regardé Blade 2, il me semble. Si, si. Raison. Guillermo del Toro, non? Bah, si, si. C'était Guillermo del Toro, en plus le 2, il me semble. Hein. C'était Guillermo del Toro. Ah, ouais, quand il a commencé à faire des films pas terribles. Ouais. Bon, c'est pour mon avis. Et ça, c'est. Ah oui, c'est... je vois la pub actuellement là de. Ah oui, effectivement. Bah, c'est dommage, on pourra pas passer une pub pour la Smirnoff pendant l'émission, ouais, c'est dommage. Ah, oh, quel dommage. Si on met que c'est interdit aux enfants, c'est bon. Surtout, il y a un mec qui est en train d'enlever une gonzesse dans la pub, tu vois. elle est géniale. D'accord. Quel dommage. Du coup, The Seven Quest, tout ça pour dire que... Guest. Tu sais comment ça? The Seven Guest? Non, Guest. Arrête de mettre des quests. Les invités. The Seven Guest. J'ai une obsession. J'ai un problème. Je suis matrixé. Du coup, ouais, bah, c'est un jeu d'énigmes et à la fois visiblement horreur et enquête, donc pourquoi pas. Un jeu de 90, pas. Putain. 13, mais bon, remanié quand même. Remanié. Ah oui, oui, voilà. Remanié. Et l'intérieur de la Myst, maison, ça a très très bien marché. Vachement évolué quand même. Myst, il était très bien. Hein. Oui, Myst d'accord, mais bon, après, ah, moi, c'est mon opinion. Mais sur quoi est-ce qu'on manque de. Je sais pas, d'inspiration, d'imagination pour aller ressortir. C'est dans l'air du temps, Coco, tu sais bien comment ça se passe. Je ne suis pas d'accord quand même. Bah... Je ne suis pas d'accord. Et je le dis. Mais les joueurs VR sont des vieux comme nous, ils ont 40 berges et puis ils ont envie de rejouer à des vieux, à des vieilles licences qu'ils aiment bien. Non, mais. Tu vas pas être content de retrouver Baphomet en VR, hein? Bah si, moi, franchement, enfin, je veux. Bizarre, mais... En fait, le truc, c'est que je ne veux pas avoir une dernière vision de ce que j'ai aimé à l'époque, tu vois. Une vision dégueulasse aujourd'hui d'un truc que j'ai adoré à l'époque. Dis le mec qui va se racheter Silent Hill 2 quand il sortira, quoi. Parce que c'est Silent Hill. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir. Et parce que j'ai toute la clique de Silent Hill comme toi, oui. Tous les jeux Silent Hill qui sont rangés derrière. Hein, tu diras pas le contraire. Ouais. Mais pareil pour les Metal Gear, c'est exactement pareil pour les Metal Gear. Mais donc ça n'a rien à voir. Argument non recevable. Et parce qu'on espère qu'il sera VR aussi, surtout. Mais c'est Konami. À la rigueur, Bloober Team peut faire éventuellement de la VR parce qu'ils en ont fait avec l'autre jeu qui était génial d'ailleurs. Merde. Oui, le dernier qui est sorti là. Blair Witch. Il y a Blair Witch. Et puis, le jeu avec l'écrivain là. Non, avec le peintre complètement taré là. Layers of Fear. Merci beaucoup. Layers of Fear. Voilà. Heureusement que vous êtes donc, là. Donc potentiellement. C'est mon métier. On recrute. Non, mais pour dire, c'est pour ça que bon, les propositions qui sont nouvelles, je les accueille avec plaisir. Mais franchement, sur CDI, sur Pentium 1 ou 2, les mecs, vous n'avez pas quelque chose. Enfin, je dis, il y a aucune proposition. Bénéfice du doute. Et puis, en plus, c'était un bon jeu à l'époque. Je donne le bénéfice du doute, mais le problème, c'est que bah, là, ça se vérifie énormément déjà. Dans le cinéma, dans la musique, tu me ressors. Il y a Indiana Jones qui va sortir. Donc tu me ressors des licences, machin. Tu me ressors de nouveaux Star Wars, des trucs. J'aime bien garder une image qui a été certainement la meilleure image positive et pas ressortir quelque chose de pour en faire parce qu'on n'a pas d'idée. Tu vois. Mais tu sais que le plaisir dans la création en ce moment, c'est de pisser sur tes souvenirs d'enfance. Toi. Exactement. Donc, voilà. Il faut apprendre à apprécier ce genre de choses. Bon, c'était mon instant vieux con, je débranche, je coupe le bouton. Est-ce qu'on peut estimer que le remake de The Last of Us 1 s'est pissé sur tes souvenirs d'enfance? Je sais pas, c'est remasterisé 4 fois. On n'était pas enfant. Je sais pas, c'est un jeu de merde ça. Laurent, une réaction. Même pas je vais répondre. Ah, parce que tu l'as acheté 8 fois, quoi. Là, il me cherche. Ah, mais moi, dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète, hein, de toute façon. Donc, quand la série elle sortira en Blu-ray, tu vas l'acheter aussi. Non, la série, non. J'ai même pas su la continuer, la série. Mais les jeux, je suis un grand fan. Donc, Avec Bella, tu vois, chaque année, je me refais le part 1 et le part 2, quoi. Et là, je viens de finir le 2, là. Alors que t'as plein de jeux VR à tester. Des jeux multi-coop à faire avec nous. Et je peux pas, il y a des fois, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je me lance et j'y vais. Et je fais Survive, te plairait, Lolo, hein? Survive. Non. Est-ce qu'on passe au test justement de Survive avant de... Mais pourquoi pas, avec plaisir. Avant de passer... Ça tombe comme ça, c'est pas prévu. À Tiger Blade, justement. Alors... Survive. Donc c'est un jeu qui vient de sortir sur PSVR 2, qui est déjà sorti il y a un petit moment sur PC, et que vous avez eu l'occasion de tester El Rocco et Majo. Alors, et qui est même sorti sur PSVR 1, mais dans l'ignorance la plus totale, puisque le PSVR était déjà mort et enterré, sauf par nous. Voilà. Écoute, Survive, à la base, ça paye pas de mine. C'est un jeu coop, solo et coop. Alors déjà, pour commencer, je vous invite à le faire en coop, parce qu'en solo, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Hormis pour les mecs comme moi qui arrivent à se projeter, enfin, de s'imaginer un monde bipolaire, voilà. Enfin, sauf si t'as des amis imaginaires, quoi, comme toi. Si à l'intérieur vous êtes coop, si vous avez au moins 3 ou 4 personnalités, vous pouvez jouer à ce jeu-là tout seul, y a pas de souci. Ouais, d'ailleurs, tu passes bien pour un taré quand même dans ta vidéo, hein. Je t'arrête de te le dire. Que j'éprouve du plaisir là où les autres ne voient que quelque chose sans intérêt ou du dégoût. Moi, je trouve ça, voilà, démembré. Ce n'est pas faire un nugget humain dans un jeu vidéo, c'est quand même pas rien. Ça, c'est quoi. Ton côté artiste, ça. C'est ton côté faire créatif. Faire un nugget humain avec ton partenaire, c'est formidable. C'est du plaisir, quoi. C'est du bonheur à partager. Voilà, je vous invite à aller voir le test de El Rocco sur Survive. La preview, la première heure. Qui m'a fait beaucoup rire, moi, perso. Non, il est marrant. C'est un jeu très moche. Franchement, c'est mon opinion, hein. Il y en a qui sont pas d'accord, hein, voilà. Mais c'est un jeu qui est très moche, mais le plaisir, en fait, le contenu qu'il y a dans ce jeu, il est démentiel. Enfin, voilà, le potentiel n'est pas dans les graphismes, faut vraiment aller plus loin. Et en fait, ça fait un peu, c'est un peu comme Organ Quarter, c'est que l'intérêt n'est pas dans la direction artistique, ça a l'air, la réalisation. Ça a l'air quand même pire que Organ Quarter. Graphiquement, c'est pire qu'Organ Quarter parce que absolument tout est moche dans ce jeu, que ça soit de loin ou de près. Mais vraiment, aliase même de près. C'est édité par Candy Makers, donc moi qui éditeur, je saurais pas dire ce qu'ils ont fait. Fait que ça. Avant, ils ont fait que ça. Ah ben voilà, bon, ça explique pourquoi j'ai pas de souvenirs. Donc c'est un jeu qui est scénarisé avec une petite campagne qui pour l'instant, ma foi, est relativement intéressante, on va dire, enfin qui se laisse suivre. Hein. On débarque un peu de nulle part là, dans cette ville et puis on récupère une radio en gros. Alors ça c'est le tuto. Hein. Et on est alpagué par un mec qui s'appelle Patrick, je crois. Jérémy, ouais, je crois. Ou Jérémy peut-être. Et du coup qui te dit ouais, on a besoin d'aide, c'est le bordel, il faut que tu me rejoignes à tel endroit. Donc bon, un peu intrigué, tu sais pas trop pourquoi ni comment, mais tu vas te balader un peu dans cette zone. Alors qui est une zone, on va dire semi-ouverte, hein, puisque c'est une carte qui est quand même pas hyper grande, mais suffisamment parce qu'on se déplace pas hyper vite non plus. C'est la première carte. Apparemment, il y a énormément de zones, notamment un métro. Voilà, il y a d'autres environnements qu'on n'a pas encore effleuré du doigt. C'est un jeu ouais, qui se joue sur plusieurs chapitres. Alors, pour l'instant, on est toujours au chapitre 1, bien entendu. Mais, oui, parce qu'on a looté. Mais... En fait, on a looté voilà. Toutes les bagnoles, toutes les bagnoles, les vélos, les tanks. On a looté tout. C'est le plus gros problème de ce jeu, c'est qu'en fait, on peut aller n'importe où, quasiment n'importe où, dans toutes les baraques. C'est le problème. Les voitures. Et franchement là, une feature très intéressante, le point fort, parce que vraiment tu peux, bah alors pas toutes les baraques, mais il y a énormément de baraques que tu peux, voilà, t'as l'impression de pas avoir de limite, et ça au niveau de l'immersion c'est quand même super important aussi. Mais tu fais énormément à partir du moment où tu fais des choses mais insignifiantes, inutiles, mais vraiment inutiles, mais que tu peux le faire, parce que mais que tu peux le faire, là tu commences à t'amuser là où hey gars, il y a un scénario, t'as un monde à sauver, tu vois. Exactement. Ah, ta gueule, laisse-moi fracasser cette bagnole parce qu'on me donne la capacité de le faire. Je suis sûr, on va trouver des trucs bien là, vas-y. Alors t'ouvres le coffre, il y a rien, t'ouvres le capot et là, horreur quand tu vois l'état du moteur, tu vois, c'est là où je Quand il y en a un. Quand il y en a un, ouais, c'est vrai, parce que des fois il n'y en a pas du tout, on se demande pourquoi d'ailleurs. Et mais du coup, ouais, tu passes ton temps en fait à vouloir looter, aller voir ce qu'il y a là-bas, alors qu'en fait, oui, effectivement, comme dit Elroco, t'as un scénario. Alors ce qu'on peut reprocher quand même, c'est que t'as beaucoup de phases d'aller-retour hein, sur la map, hein, c'est va chercher ça là-bas, ouais, ok, ah bah putain, ça marche, faut le ramener, tu branches, t'actives un mécanisme, ah bah ça marche pas, faut aller réactiver l'électricité là-bas, tu vois, bon, on est sur des phases de gameplay qui sont relativement traditionnelles, mais du coup, il y a ce côté survie, parce qu'en fait le jeu te laisse t'as un tuto si tu veux, mais le but du jeu c'est vraiment de te laisser tout seul quoi. Ils te disent aujourd'hui c'est t'es là, à toi de découvrir pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Genre si tu sais pas, première chose que tu fais, tu charges ton arme, si tu sais pas qu'il faut l'armer avant de tirer, ben déjà tu te fais bouffer, tu vois. Parce que surprise, tu tires, il se passe rien. Ben, et remarquable, hein, vraiment remarquable, parce que ça fait partie de tous les petits détails, qui sont présents dans le jeu. C'est-à-dire que bon, pour quand vous êtes familier avec une arme et tout, s'il vous reste une balle chambrée, vous pouvez enlever votre chargeur, en remettre un autre et tout. Vous n'avez pas besoin de réarmer, tout. La balle sera chambrée, elle sera là. Ça fait partie de tous les petits détails. Balles que vous retrouvez quand vous commencez à, justement à tirer la culasse en arrière, vous voyez. Tu la vois. Vraiment. Moi, c'est du détail. Mais de toute façon, moi, ce que je suis, à partir du moment, pour tout le monde, hein, je dis ça, à partir du moment où vous mettez des détails qui tuent, moi, je suis... Oh, je commence à avoir des petits... là, je suis en transe. Je ne vois plus rien. Des petits gousses dans l'estomac. Je suis en transe. La balle, elle est localisée dans la chambre et elle est localisée aussi dans le chargeur. Tant que tu en as. Si tu en as plus, il n'y en a plus. Et comme quand tu as un genre de 6 coups ou de magnum et tout, les balles qui sont percutées, tu les vois. Donc voilà. Hop, par contre, tu ne peux pas les saisir individuellement. Mais bon. Il y a le côté moche du jeu et puis il y a aussi la physique. Tu tires sur le genou droit. Le zombie, il va s'affaisser sur le côté où t'as tiré, quoi. Il va tomber du bon côté. La jambe, elle saute. Bon, il est complètement démembrable. La jambe, elle saute. Que ce soit la machette, que ce soit la machette, à la hache. Non, puis même, t'as des. Comme on disait, enfin, en avançant, hier, on est tombé sur. Il y avait des militaires, des pompiers, ou je sais pas. Et puis, t'as des armes blanches et t'as des flingues. Et en fait, les armes ont une usure. C'est-à-dire que là-dessus, c'est pareil, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de très original, on l'a déjà vu partout. Mais par contre, tu vas avoir tendance, en fait, à vouloir, pour économiser tes balles, à vouloir démonter du zombie à l'arme blanche, donc au couteau, enfin à la machette, au sabre ou à la batte. Sauf que les ennemis qui ont des casques, en fait, il va falloir mettre plus de coups, donc du coup, eux, faut les finir au flingue. Et comme dit Elroco, c'est des petits détails qui sont tout bêtes, mais que tu vas acquérir, en fait, avec l'expérience. Et c'est vraiment là-dessus que veut t'amener le jeu. Et pour le coup, ça me fait beaucoup penser à Song in the Smoke que j'avais adoré justement parce que on te lâche comme ça et c'est à toi de découvrir le monde. Tu ne connais rien et c'est à toi de faire tes propres expérimentations, d'essayer des trucs, de boire des trucs, voilà. Et là, c'est un peu le même style. Donc t'as beaucoup de trucs. Enfin, il y a même des techniques pour passer entre les zombies. Donc bon, ça, j'en parle pas. Enfin, les gens verront par eux-mêmes. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à expérimenter. Et c'est là où c'est encore plus dommage de se retrouver avec un jeu. J'allais dire qui techniquement est fini avec le cul quoi. C'est juste incroyable de parce qu'on est c'est vraiment rageant. on est vraiment sur un truc qui je sais même pas si c'est digne d'un Quest 1 quoi. C'est pas digne d'un PlayStation VR pour avoir alors vu c'est encore moins digne d'un PlayStation VR 2 mais ce que je veux dire c'est on est vraiment sur quelque chose c'est rageant c'est parce super que le potentiel est énorme. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Le gros problème, c'est ça, c'est que le gameplay derrière, il a l'air d'être super abouti et que. Parce que Majo, pendant le jeu, pendant la première game ensemble, il a fait. À partir du moment où Majo dit, bon, il y a quelque chose. Ah ouais, il y a quelque chose. C'est que là, vraiment, il y a quelque chose. Et c'est d'autant plus rageant parce que on se dit, mais. On a des trucs à côté. Pourquoi les gars ils n'ont pas genre boosté juste, tu sais, appuyé sur le bouton, genre on augmente un petit peu, je sais pas, le framerate, la rétroprojection, on l'oublie ou les choses comme ça. Juste des petits détails. On demande pas à ce que ça soit. Ah oui, il y a de la réalisation de. Il y a de la reprojection d'ailleurs dedans. Et ouais, toi tu le repères beaucoup plus facilement que moi. L'aliasing et compagnie, ouais. L'aliasing, c'est chaud, putain, à 5 mètres, quoi. La reprojection, perso, j'ai du mal à comprendre hein, parce que je piche pas que. Parce qu'il y a tellement un brouillard ambiant que. Même malgré le brouillard, t'arrives à voir le clipping des arbres. Et franchement, enfin, j'arrive pas à croire que le jeu il puisse pas faire tourner avec un taux de rafraîchissement natif à 60 ou 90 Hz. Quoi. Enfin, sur PSVR 2. De toute façon, c'est 90. Ouais. Ouais, mais là, il y a de la reprojection. Quoi. Donc, j'avoue que j'ai du mal à piper, du moins. Sur la partie technique, ils sont vraiment. Enfin, même pas sur la partie physique, hein, c'est vraiment la partie technique, texture pure et dure, quoi. Parce que la physique, même, elle est pas trop. Alors, elle déconne, hein. Il y a notamment les objets qui sont sur les tables et tout, elle a une physique particulière. Surtout sur les objets que tu ne peux pas attraper physiquement, mais après, pour tout ce qui est zombies, tout ça, ça va encore, tu vois. C'est pas Sentinels, faut pas se leurrer, mais ça va quand même, tu vois. Non, contre, un jeu comme ça, avec un chouette look, il fait un carton. Il met la fessée à After Hours. Il détruit complètement. Il détruit beaucoup de jeux. Ça serait un bon concurrent à Sentinels, ça, c'est clair. En tout cas, la survie est moins présente, c'est quand même moins moins punitif que Saints and Sinners, mais parce que ça reste quand même dans les cordes. Et puis moi c'est vraiment cet aspect loot, en fait, où tu rentres dans une maison, tu ouvres les placards, tu ouvres les trucs de la cuisine. C'est pas mal. Bon, Saints and Sinners, tu tires le tiroir, tu peux pousser la porte avec ta main. C'est pour ça que je te dis. Là, tu cliques. En fait, c'est comme si t'avais une manette dans tes mains, seulement t'as les VR Sense, tu vois. Et t'as juste à faire, actionner. Il y a deux types de saisie d'ailleurs dans ce jeu-là. Celle qui se fait justement avec la gâchette et celle qui se fait avec le bouton L2 R2 sur le côté. Et c'est franchement perturbant parce que L1 R1, pardon. Et c'est perturbant parce que si, en fonction de l'objet que tu veux prendre, tu peux plus ou moins le choper. Alors il y a des objets que tu peux choper des deux manières. La particularité est que avec L1 R1, tu gardes l'arme en main, en relâchant tous les boutons, tu vois. Tandis que si tu le prends avec la gâchette, tu peux le garder dans ta main, et si tu lâches, tu lâches l'objet. Tu vois, as la possibilité de choisir, tu veux dire, pardon, excuse-moi. Ne me réponds pas. Non, Mais c'est perturbant, et surtout pour les grenades, et c'est là justement où les mecs ils se sont un petit peu pour moi c'est foiré, c'est que là les gens ont du mal à jeter une grenade avec la main, mais tout simplement parce que les mecs je pense qu'ils font fausse route dans le gameplay, en fait, de la grenade. C'est faites une saisie comment ils disent, hybride. Dans Resident Evil 8, je crois que c'est une saisie hybride, c'est-à-dire qu'ils utilisent le sensor du bouton. À partir du moment où vous effleurez le bouton, il considère que vous attrapez l'objet, que vous le gardez en main. Et dès que vous lâchez l'objet. Et à partir de ce moment-là, quand vous faites le mouvement pour jeter la grenade se lâche naturellement, ça devient naturel. Alors que là, vous devez faire le mouvement et appuyer sur le bouton. Seulement, j'ai l'impression que le jeu ne capte pas que vous êtes en train de faire ce mouvement-là. Il y a un petit temps de latence. Vous mettez l'impulsion et le truc, touc! Ça tombe au pied, quoi, directement sur les pieds. Voilà. Bah, quand vous vous rendez compte que ce que vous avez dans les mains est une grenade, parce que moi je m'en suis pas aperçu tout de suite. Mais bon. Oh, ça fait du bruit. C'est une boule de pétanque, en fait. Je suis un vrai moustique. Hein. Oh, une lumière bleue, je vais dessus. Si c'est un laser qui va te pulvériser en une fraction de seconde. Oh, c'est joli, je suis un vrai moustique. Ce qui est d'autant plus dommageable parce que tu as beaucoup d'objets, justement. Enfin, tu as quelques objets, pardon, pas beaucoup, que tu dois jeter pour pouvoir tuer d'autres ennemis, quoi. Donc, le lancer a quand même une importance aussi dans le gameplay, et ouais, comme dit El Rocco, c'est foiré, quoi, pour le coup. Comme la machette que t'as essayé de me lancer dans la gueule. Mais exactement, bon, t'as vu, j'y arrive. T'y arrives, ouais. Tu m'as raté, comme d'habitude, mais t'y arrives. Il se passe à côté. Bon, en tout cas, des bonnes barres de rire en coop, et c'est un peu le principe. C'est un jeu à conseiller qui coûte quand même 25€, mais... Faut aller au-delà des graphismes, faut pas y jouer tout seul. Je lui ai laissé un avis positif. Ah non, mais il est plaisant. Si ça avait été une vraie bouse, je l'aurais défoncé. Mais moi, je le conseille pas. Quoi ? Voilà. Comment ? Mais parce que moi, je peux pas. Je peux pas. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais je peux pas tolérer ça sur PSVR 2. C'est pas possible. Non, la vraie question. Déjà sur PSVR, la question, ça passerait pas. Au-delà de genre, est-ce qu'on mérite d'avoir un jeu esthétiquement comme mais ça sur PSVR 2 ? Non, mais il y a pas de au-delà. Mais est-ce que t'as eu du plaisir ? Est-ce que t'as eu du plaisir ? Oui, mais encore une fois, moi là, on a une version test, donc. Est-ce que t'as l'impression que on se fout totalement de notre gueule ? Moi, j'ai. Ah oui. Ah oui. Non, totalement. Oui. Bon, d'accord. Oui, non, non, je suis désolé. Il est fun, ok. Bonjour, mais c'est un appel, je cherche un nouveau partenaire. Mais... je suis donc viré de la team. Non, non, mais c'est pas possible. Non, non, mais je peux pas valider ça. C'est pas jouable. Graphiquement, tu peux pas valider, mais fun. Le jeu est fun. Elronco, ok, mais justement, comme on dit, le jeu il est fun, mais il est pas finite. Tu vois, on est encore sur cette. Il est pas finite. Bon, mais prenez 3 ans. Comme de plus, les trois quarts. Comme les trois quarts des jeux qui sortent actuellement. Ok, donc prenez 3 ans ou 2 ans de plus, vendez-le 50 balles et sortez-nous quelque chose de mieux, quoi. Là, je suis d'accord. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce débat. C'est bizarre. Bah, exactement. Mais on le répète parce qu'apparemment, il y en a qui persistent. Je suis désolé, mais encore une fois, on est en plein dedans. C'est un jeu qui a. C'est ce qu'on dit, hein. C'est un jeu qui a un fort potentiel où t'as énormément de plaisir sur le gameplay, mais qui pêche sur pas mal de trucs techniques et qui, je pense, avec plus de temps et d'expérience et de peaufinage, tu peux arriver à faire quelque chose. Et je pense que c'est un jeu qui, ouais, vaudrait ses 50 balles facile à sa sortie. Donc, quoi, avec une technique améliorée. D'autant plus qu'il vaut 25 balles. D'autant qu'il vaut 25 balles. Je sais pas, je l'ai pas fini. D'autant plus qu'il est déjà sorti sur PSVR, si tu veux. Donc c'est même pas un jeu qui part de zéro. C'est un jeu qui est adapté au PSVR 2. Donc, je peux pas croire. Enfin, j'ai pas fait la version PSVR. D'ailleurs, je vais peut-être. Je sais pas si les codes sont compatibles PSVR 1. Est-ce qu'on peut faire. Mais je serais curieux de lancer la version PSVR pour voir s'il y a une grosse différence entre les deux. Tu vois. Tu vas y arriver avec le Mural Fil. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Tu vois. Non, mais je pense que ça a été. Oui, changé. C'est un portage. Enfin, c'est un portage pur et simple. Mais justement, parce que c'est le même prix, hein, qu'on soit clair. Hein, la version PS4 ou PS5, c'est le même prix. Hein. Mais voilà. Oui, mais après, dans ma vision choses. PSVR 2, PSVR. J'ai plus l'impression qu'on se fout plus de ma gueule avec un Afterlife VR à 15 balles qu'un Survive à 25 balles. Si tu veux. Ouais, à mais Afterlife, il est sorti sur PSVR 1. Donc pour moi, c'est la même chose. Je t'ai dit, ce jeu, il sort sur Quest, ça passe tout seul. Hein. Même sur Quest D'accord. 1, je suis sûr, ça passe. Hein. On va dire que ce qui le sauve, c'est qu'il est bon. Ce qui le sauve, c'est que c'est un bon jeu. Dans le fond, c'est un bon jeu. Il est bon, mais il est pas beau. Voilà. Ouais, il pêche sur pas mal de trucs quand même. On va poursuivre et c'est là qu'on va attaquer le test. La physique, elle déconne. Comme je t'ai dit, enfin, il y en a une, elle est efficace, mais il y a quand même des plantages. Enfin, je veux dire, souviens-toi, la femme forte et indépendante. Je suis désolé, mais parce que tu vises pas la tête. Mais si, justement, elle a pris au moins 10 coups de batte et puis elle était toujours là, quoi. Donc d'ailleurs tu t'es acharné, tu t'es quand même acharné. Faudra donner une explication quand même là, parce que c'est trop bizarre ce que vous êtes en train de raconter là. Je pense qu'on a besoin un petit peu d'explication de texte là, je pense. La femme forte et indépendante, ben non. Non, c'est qu'il on est tombé sur des ennemis, c'était une femme en l'occurrence, et puis ben, t'avais beau lui mettre des coups de batte sur la tête, elle tombait pas. Alors que normalement au bout de 2-3 coups, si tu veux, bah il reste accroché à ta batte. Et c'était un boss. D'ailleurs il y a Lucille dans le jeu. Non, il y en a des mid boss qui prennent 10 balles. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, il y a vraiment des problèmes, même les zombies qui passent à travers les portes. Enfin, regarde, j'en ai buté un. Les mains passent à travers les portes et la tête passe. Et la tête, voilà, j'en ai attrapé via le visage, pas tout le corps tout entier comme dans Cosmo Dread. Effectivement. Mais bon voilà, enfin c'est un jeu qui mériterait mieux, qui mérite mieux d'ailleurs et qui est pas à la hauteur encore une fois du casque sur lequel du casque. Voilà. Mais ça n'empêche pas que il y a moyen de se taper de bonnes barres. Ouais, à plusieurs. À solo, plusieurs, c'est ce que je dis. Hein. Si vous avez des copains, en tout cas, il y a du people. On a compté quand même, c'était hier soir. Oui, 9 on salons, a vu qu'il y avait, voilà, il y avait quand même. Non, 9 pages de salon, 7 pages de salon. Voilà, 7 pages de salon, donc à peu près 5-6 par page. Il y a du monde. Le jeu est crossplay. Ça, c'est bien. Les ça. Avis, ça, c'est bien. Si les avis. Tu sais, c'est crossplay, un petit peu comme. Crossplay depuis pas longtemps d'ailleurs. Parce qu'il n'était pas à sa sortie. Je crois qu'il est. Mais crossplay depuis la semaine dernière. Tu sais, ça va être comme Phasmophobia. Si Phasmophobia, eh ben, il est même pas. Ah bah attends. Et si non, Phasmophobia, pas... je veux dire. Phasmophobia, c'est pour ça. Faux. Phasmophobia. S'il n'est pas à la hauteur graphiquement sur PSVR 2, je peux te garantir quand même qu'on va, mine de rien, avoir énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Parce qu'il est bon dans le fond. Mais malheureusement, il ne sera pas digne esthétiquement, visuellement parlant. Et encore, même comme la plupart des jeux plats qui sortent ne sont pas dignes visuellement. Non, mais là, il y a quand même un cap à franchir, Elroco. Il y a un cap à franchir, mais. Je ne suis pas d'accord. Et alors, je le demi-conseille, mais demi-conseille plus. Il y a les jeux tels quels, il y a les jeux portés tels quels, et il y a les jeux qui seront... Là, c'est un D-Make, hein. on est sur un D-Make, hein. On n'est pas loin. Bien, eh ben, mais en tout cas, je pense que... La Discord. Le débat n'est pas terminé, parce qu'il va y avoir les tests derrière, donc... Ouais, c'est ça. mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la vidéo et puis vos avis que vous avez donnés aussi sur le Discord... ces derniers jours, en fait, bah, donne quand même envie globalement quand même de voilà de moi de vous passez une sale journée, on vous a cassé les couilles, de se marrer quoi, trois mecs, mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien quoi, et attaquer une nouvelle journée le lendemain. Mais perso, je te comprends parce que vous savez comme je suis chiant avec le son mec, l'esthétique d'un jeu, et moi ça c'est ma partie graphiste, donc forcément dès que j'ai une texture qui va pas, je la vois tout de suite. Mais par contre, c'est vrai qu'en voyant ta vidéo, je me suis dit putain, il y a des bonnes idées. C'est clair. Attention, tu vas pas y jouer quand même. Attention, il est beaucoup plus propre sur le rendu YouTube que ce que tu as dans le casque. Ouais, mais je m'en doute, hein, parce que tu vois déjà l'aliasing sur YouTube, donc dans le casque, ça doit piquer. Ah ouais, non, tu le vois pas, je t'assure. Mais bon, quand il a branché le jeu, il a fait ah. Oui. Moi, je dis, c'est dommage. Après, il a fait ah. Donc. Non, mais j'irai faire un tour pour te faire plaisir. Même la sélection des modes de jeu, elle est cool. C'est enregistré, Laurent. Promis, j'y vais, et puis je te dirai. Bon, on va se faire une soirée à 4 justement sur le jeu. Qu'est-ce qui est marrant, Majo ? J'ai pas entendu. Je dis même la sélection des modes de jeu, elle est cool. T'as 3 zombies qui pendent avec une pancarte tous les deux. Il faut que t'en décroches un en lui tirant dessus pour pouvoir choisir ton mode de jeu. Je dis même ça, c'est fun. C'est une bonne idée si tu veux. C'est tout con, mais c'est drôle. Mais à côté de ça, je suis désolé. RE8 ou Survive ? Oh, RE8. Ah oui, je suis d'accord. Bien. Même si s'il y avait un côté survive dans Hero 8, ça serait bien aussi. Moi je pense qu'il y avait un quatrième jeu annoncé par le PlayStation Blog, c'était Tiger Blade. Merci Laurent, merci de m'aider pour cette transition, parce que les deux là, quand ils sont partis, laisse tomber. Bah, c'est là, oui. Ils vont jamais s'arrêter. Sur les rails. Bah non. On va pouvoir enfin vous demander un petit peu justement déjà de présenter le jeu. Les Ikimashou, et puis pas forcément présenter la boîte, parce que je pense que vous l'aviez déjà présenté lors de la précédente émission où vous étiez invité, mais voilà, votre précédent jeu du coup dont on avait parlé, c'était Star Shaman, qui en tout cas de ce qu'on a vu sur la vidéo de Tiger Blade était complètement différent. Comment est-ce qu'a germé un petit peu, est-ce que vous pouvez déjà présenter le jeu, ce nouveau jeu, et moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment l'idée a germé, comment est-ce que vous êtes passé justement de Star Shaman à Tiger Blade, pourquoi ce changement en fait. Je vous laisse c'est cohérent le passage de l'un à l'autre, mais on l'explique dans une seconde. Tiger Blade, pour le résumer en quelques mots, c'est un jeu qui vous permet d'incarner un héros du cinéma d'action coréen. Donc en gros, c'est une expérience action. C'est un jeu action, 100% action, avec un sabre et un pistolet, et qui propulse en fait le joueur de gameplay d'action sur un rythme qui est sur des inspirations qui sont Time Crisis meets Shinobi quoi. C'est un peu le pitch. Olivier, Shérif, si vous voulez rajouter des choses sur le pitch de base, l'idée de base. Time Crisis meets Shinobi, c'est tout à fait juste. Time Crisis, tout le monde l'aura vu dans le trailer, parce qu'on a bien vu un nombre d'ennemis qui vous tirent dessus assez conséquent, et la façon de les abattre sur des tableaux dans lesquels on avance seulement si on tranche ce qu'on a devant soi. On n'est pas en free roaming dans Tiger Blade, on est en node, et on doit soit trancher la porte qui est devant nous, soit passer un obstacle, soit trancher l'ennemi, donc le vaincre, ou des successions d'ennemis, pour progresser sur les différents tableaux. Dans la main gauche, on a un grappin qui nous sert de moyen de déplacement alternatif, qui nous permet d'atteindre des points plus hauts, et qui va aussi permettre de récupérer des armes bonus ou des boucliers sur l'autre main. Et on alterne tous ces gameplays avec le, la panacée qui est que le katana permet de dévier les balles qui vous arrivent dessus. Ça ouvre, des, en, ça ouvre des embranchements différents. Genre, il y a chemin A, chemin B, et on explore donc du coup une rejouabilité qui est quand même travaillée derrière. Alors, je vais te répondre Time Crisis 1, c'est arrivé avec Time Crisis 2. Oui. Donc en fait, non, ce sera pas dans, ça sera donc pas dans, dans Tiger Blade 1. Donc ça sous-entend qu'il y aura un Tiger Blade 2. Ah bah écoute, on espère que ça. Mais si tu veux rentrer dans les détails de, dans, dans les détails précis de pourquoi en fait on l'a pas fait, c'est qu'en fait c'est une feature de rejouabilité en effet, mais qui coûte très cher pour assez peu de rejouabilité au final. Parce qu'en gros, t'es obligé de faire des environnements alternatifs, donc c'est, ça demande. C'est ce qui coûte très très cher dans le jeu vidéo, c'est l'art. Et c'est sans doute pour ça que vous plaignez du jeu précédent qu'on ne va plus nommer. Et surtout, je vais pas lancer le débat. Mais sans doute, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. Et en fait, voilà, c'est 60 pour le, entre guillemets, peu de rejouabilité que ça apporte d'explorer un couloir alternatif. Pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit un peu différent. Ça coûte très cher. Et donc c'est pour ça en fait aussi que Time Crisis en fait l'a pas fait dans le premier, hein, parce que l'idée est en vrai assez évidente. C'est juste que voilà, c'est, ça vient plus tard quand t'as déjà posé des bases d'un gameplay solide et d'un jeu solide, ce qui modestement est le cas avec Tiger Blade. Oh. Ce qui explique du coup les 70€ de Horizon Call of the Mountain. Ouais, voilà. En plus tu peux aller à l'envers dessus, beaucoup d'ailleurs. Et c'est vrai. Il y a beaucoup d'embranchements et plusieurs possibilités de route. Par contre, quand vous décrivez le gameplay où justement on ne peut avancer qu'en tranchant les ennemis, ça me fait un peu penser à Super Hot VR, où le principe c'était de bouger pour faire avancer les balles et tout. Est-ce qu'il y a une petite inspiration là aussi? Il y a un peu de ça, mais l'inspiration initiale c'est du... En fait, les deux piliers fondamentaux, en fait, ce que Tiger Blade apporte vraiment à la VR, parce qu'il y a deux trucs dont on est très fier. Et qui sont qu'on n'a pas vu en VR ou alors pas vu de cette manière, c'est que c'est un jeu qui allie action et déplacement. Parce que ce qui nous plombe en VR, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait pas d'horreur, mais pour lesquelles on fait pas d'horreur par exemple et pas de jeux de zombies, c'est qu'en fait c'est très mou, c'est très lent. Et le free roaming est lent, même dans Alix c'est lent, c'est mou. Et pas mal de trailers qu'on voit ou pas mal de jeux en fait auxquels on joue en fait sont finalement en fait dans une espèce de guimauve quand on joue à, et c'est pas pour dire que c'est un mauvais jeu hein, bien au contraire, mais Walking Dead Saints and Sinners c'est lent, c'est mou. Et pourtant c'est un carton, ça hein, je veux dire, ça marche sur l'endurance. Oui, mais, et puis en fait parce que la VR, enfin parce que c'est un, enfin il y a plein de raisons de design aussi, mais oui, comme les ennemis sont plus, voilà, et puis les ennemis sont plus lents, du coup ça permet de réagir plus, de pas être surstressé quand t'es en VR, qui est un environnement qui est hyper stressant parce qu'on t'enlève tous tes référentiels réels, physiques, etc., etc. Donc il y a plein de raisons, mais en fait nous on veut vouloir explorer, et en fait même avec Star Shaman, ce qu'on a voulu faire mais moins réussi, en fait c'est vraiment le côté action, pure action, hyper intense, hyper fun en fait. C'est le type de jeu auquel on joue en fait. Enfin, ça s'appelle pas Ikimashu pour rien. On a une grosse ADN de jeu japonais. C'est ça qu'on aime en fait. Hein, des jeux d'action très très, enfin au-delà de ça très polish, et puis très très très, enfin, très, je peux comment dire, très très nerveux, très action quoi. Et donc du coup ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a mixé action et déplacement en fait en amenant le slash and dash à la VR. Donc en gros chaque coup fatal qu'on porte avec le sabre, qui du coup n'est pas un katana, c'est un jingun si on veut être précis, parce qu'en fait le katana c'est japonais, et en fait c'est simplement que c'est fondamentalement c'est la même chose, hein. Enfin les japonais diront que non, et le l'acier est sans doute pas frappé de la même manière, mais en fait le katana c'est les normes de taille. Et en fait les coréens ont un sabre des sabres qui ressemblent furieusement, c'est juste qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes normes. Et un peu plus court et un peu plus droit, je crois. D'accord. Ouais, ça peut, mais ça peut aussi être un peu plus long et un peu plus court. En fait, ils sont assez pragmatiques, en fait. Voilà, là où les Japonais sont plus psychorigides. Mais bref, en fait, chaque coup fatal porté avec le sabre permet de dasher, donc de bondir vers l'avant dans un mouvement rectiligne vers le point nodal qu'on a prédéterminé nous dans le level design suivant. Et quand je dis coup fatal, en fait, en gros, quand vous tranchez une porte, c'est un coup, quoi. Mais quand vous avez un combat au sabre, ça peut être 2, 3, 4, 5, parfois 1. Et donc, en fait, le dernier coup qui tue l'ennemi ou qui détruit l'objet, en fait, déclenche le dash vers l'avant. Et c'est un dash qui est assez rapide et qui est assez kiffant aussi, qui crée pas mal de dopamine, et ce qui fait qu'en fait on propulse le joueur de scène de d'action en action en action. Un rythme très soutenu, quoi. Et on casse ce rythme avec des phases au gun qui elles-mêmes sont sont elles aussi hyper intenses, mais où le joueur est beaucoup plus sur la défensive. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment à l'offensive avec le sabre. On est très bon, on est très fort au sabre dans le jeu, et c'est fait exprès. Et le plus challengeant, en fait, ça va être les phases au gun. Et donc en fait, on se retrouve, on est à l'offensive avec le sabre, bam, bam, bam, machin, on dispatche 3-4 ennemis, on éclate deux portes, et d'un seul coup, on se retrouve au milieu d'une cour où il y a des ennemis qui vont popper dans tous les sens, qui vont commencer à nous tirer dessus. Il faut déflecter les balles à coups de sabre, essayer de choper un bouclier avec le grappin, se défendre, shooter, enfin les vaincre au pistolet avant que le level design déclenche la situation suivante avec par exemple un ennemi au sabre qui arrive proche du joueur ou j'en sais rien, un tonneau qui tombe, etc. Ce genre de choses. Et du coup et c'est le deuxième truc, donc le slash and dash c'est le premier, et le deuxième truc c'est la transition entre les armes. Dans Tiger Belt, elle est instantanée. Et en fait, elle est faite avec le grab. C'est-à-dire que la chose standard qu'on a dans la main, c'est un sabre. Et quand vous appuyez sur le grab avec le majeur, vous passez au flingue. Ah, d'accord. Et le flingue a balai limité. Et quand vous lâchez le grab, vous repassez au sabre. Et en fait, ça crée une transition. Enfin, du coup, la transition entre les armes est instantanée. Et du coup, en fait, même ça, en fait, qui est compréhensible. On a fait des playtests, c'est compréhensible par des gens de 15 à 65 ans qui ont fait de la VR, qui jouent aux jeux vidéo, qui ont jamais fait de VR. Tout le monde comprend. Et en fait, ça crée une immédiateté dans le gameplay qui fait que c'est hyper cohérent avec l'action. Et donc, en fait, on passe de vas-y, je te tire dessus. Ah, il y a une balle qui arrive. Je lâche le bouton, je déflecte avec le sabre, je rappuie, je repasse au flingue, je renvoie. Ça crée des trucs. Enfin, ça crée un sentiment de puissance, un sentiment de maîtrise qui est vraiment ce qu'on cherche dans l'absolu à créer en VR et en particulier en Tiger Belt. C'est ces deux trucs-là, slash and dash et la transition entre les deux armes qui ensemble fonctionnent très très bien. Sur un jeu d'action au rythme aussi soutenu, c'est vrai que je pense que rajouter du motion gaming pour changer une arme ou rien qu'aller chercher le sabre derrière, par exemple, ça aurait été un truc qui aurait complètement cassé en fait justement la dynamique. Perdu les joueurs et a rajouté certainement aussi les problèmes de gameplay un petit peu apeupriste qu'on peut avoir sur certains jeux, notamment, c'était quoi le jeu là qui était sorti justement où il fallait tout recharger les armes avec manuellement là. Alix. Un jeu multi. Il y a Alix, ouais, mais c'est pas obligatoire sur Alix. Pavlov, comme ça. Ah oui, Pavlov. Pavlov justement. Ouais, mais ça se tient parce que Pavlov c'est un imaginaire militaire. Oui. Enfin, ça marche. Réaliste. Ça reste nous on n'est pas du tout là-dedans. T'as balai limité dans ton flingue. On se fait. Enfin, il y a même pas de justification quoi. C'est un flingue normal. C'est inspiré d'un P99. Et en fait, on s'en fout quoi. En fait, tu tires parce que c'est exactement. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est parce que c'est fun. Ces hommes de référence. On voulait s'affranchir de tout ça. GoldenEye 64, toi-même tu sais. TMTS. Et d'ailleurs, si je peux faire référencer, mais Olivier. On fait des recherches. Oui, Olivier faisait référence aux armes secondaires du jeu, et donc du coup, voilà, n'est-ce pas ? Oh, cet homme est dangereux. Vous avez un certificat, monsieur ? C'est de l'airsoft, C'est de l'airsoft, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, on s'est dit, ouais, machin, on s'en fout, et puis en fait, en les prenant en main, on s'est rendu compte qu'il y a une distribution du poids, en fait, qui est assez inattendue, qui est réelle, hein, c'est qui est assez inattendue, et donc en fait, les répliques sont assez bien fait. Et donc du coup de se rendre compte que en fait que le maniement de l'arme dans le jeu en fait doit évidemment pas reproduire la réalité parce que ça reste arcade, mais quand même s'en rapprocher et pas que ce soit un truc en carton, un truc en plastique en fait qu'on gigote la légèreté. Faut mettre un peu de délai dans l'animation. Et puis du coup il y a surtout celle-là qu'on aime beaucoup qui du coup est, n'est-ce pas, Chris Vector. Exactement. Mmh. Voilà, qui en fait est l'autre arme secondaire qu'on peut piquer à des ennemis, ce qui est pas montré dans le trailer, donc on vous le dit en exclusivité. On peut piquer. Ici. C'est une exclusivité VR 4 player. Exactement. On peut avec le grappin piquer des armes à certains ennemis. Voilà, ce qui permet d'avoir le temps d'un chargeur. L'arme secondaire. Une arme temporaire. Et puis exactement. Ça renouvelle complètement le gameplay parce qu'entre un fusil à pompe et puis ce genre de fusil, ça. Chris Vector, c'est une arme courte portée avec une très vive vitesse de rafale, quoi. Enfin, ça défouraille très vite, quoi. Alors on reste arcade, hein, donc il n'y aura pas de tir de précision à longue distance, hein, dans Tiger Blade. Ça reste très très. Le fun doit être immédiat. Et on parlait de rejouabilité, pardon, parce que je fais un grand monologue, parce qu'on parlait de chemin alternatif. Et donc on n'a pas fait ce choix-là, mais en fait on a fait le choix, on s'est rendu compte, au début on avait l'idée de faire un système de scoring hyper pointu avec, en fait, en fonction de là où on tranche les ennemis, en fait dans le bras, dans la tête, machin, la force du sabre et tout, donc tout un tas de trucs, enfin du design de jeux vidéo, en fait on a plongé, on a fait « Ah, c'est super !» Il y a plein de, voilà, c'est ça, c'est super, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Puis en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, ça serait nul. Et au passage, en Beat Saber, en fait, moi, j'ai mis très très longtemps à comprendre où était le score, et même quand j'y joue, je m'en fous du score. Oui, bah oui. Donc je suis même pas sûr qu'en fait, leur système de score soit adapté à leur jeu. Et sur Plus tu tranches au milieu, plus tu fais de points. Ouais, c'est ça. Mais in fine, j'éprouve pas un plaisir particulier à trancher le cube au milieu, tu vois. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui me, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte en regardant les playtests et les gens jouaient à Daggerblade, en fait, ils jouaient. On avait un timer de toute façon en fait qui tournait et puis il disait j'ai fait combien, ah il faut que je batte ça, et en fait les gens se référaient au temps, et en fait on s'est dit à la time crisis, en fait, alors que ça venait même pas de time crisis, en fait ça venait vraiment des playtests, on a vu des gens jouer, on s'est fait ce qui motive les gens c'est le time attack, c'est un jeu à speedrun. Et c'est exactement ça à quoi je pensais aussi. Et donc du coup ouais, c'est l'axe de rejouabilité long terme, c'est le speedrun. Et après, il y a de la complétion avec, par exemple, des médaillons à trouver dans différents endroits à shooter. Et en fait, il y en a qui sont planqués. Et comme on a un contrôle total de là où on place le joueur, en fait, on peut se marrer à... en fait, t'es dans cette situation-là, il y a 5 gunners devant toi, mais en fait, derrière toi, dans la caisse, en fait, il y a un petit médaillon. Donc, voilà. Donc ça pousse un peu à la rejouabilité. Ça, c'est pour El Rocco, ça. Donc, c'est un jeu qui est physique. Visiblement. Ah ouais, vous allez me faire transpirer avec ça. Oui, il n'y a pas de physique dedans. Oui, il n'y a pas de simulation physique. Oui, c'est physique. Il est conseillé de jouer debout. Rassurez-nous, vous n'allez pas le sortir au mois d'août. Non. Parce que on a un souvenir de Pistol Whip où on était trempé à 40 degrés en pleine canicule à essayer de tester Pistol Whip, qui est un excellent jeu d'ailleurs au passage. Ah, c'est plus intense que Pistol Whip. Et on était trempé. Ah, c'est plus intense que Pistol Whip. Ouais. Ah ouais, parce que on est dans la merde. Costaud, ouais, Pistol Whip. En fait, le système de jeu tranche et sa dash, t'as pas de repos. Ouais, t'as pas de limite, quoi. Enfin, t'as pas de temps mort, c'est limite, tu dois anticiper. Limite, et encore. Ou alors les phases où tu es dans un conteneur face à un Vasming qui coûte très cher, mais il faut absolument le trancher pour passer, tu peux décider de l'admirer pendant un instant, admirer la qualité des textures, n'est-ce pas, avant de le trancher. Vous serez jugé, messieurs, je suis désolé, vous serez jugé. Le coup près tranchera. Bon, c'est pas là qu'on a mis le plus d'efforts. C'était pas moche, mais c'est pas non plus là qui est. C'est voilà. Mais, désolé. Mais voilà. Alors, à ce sujet d'ailleurs, je voudrais faire des petites précisions Attends, Lolo. Je disais qu'il y avait une question qui avait été posée à la base, la transition entre Star Shaman et Tiger Blade, et puis après, en fait, on a digressé de ouf. Donc, si je fais juste une aparté là-dessus, en fait, vous êtes au bon endroit. La philosophie de design qu'on a, et c'est pour ça que je parlais du fait qu'on ferait jamais de jeu d'horreur, c'est qu'en fait, l'idée de base qu'on a de la, enfin l'analyse de base qu'on a de la VR, c'est de dire que c'est le premier média de l'histoire, hein, qui permet d'incarner à quelqu'un, d'incarner physiquement un avatar virtuel. Donc en fait, ça permet littéralement pour la première fois d'être physiquement quelqu'un d'autre. Et du coup, ce qu'on a envie naturellement, enfin nous assez naturellement d'être, c'est des archétypes en fait. C'est des trucs, on se dit en fait, en gros, c'est Doctor Strange ou c'est un héros de cinéma d'action coréen. Et pas une victime qui se contente de subir tout. Bah alors ça on laisse ça au festival du film de Venise et aux expériences VR immersives où tu peux être un migrant qui essaie de traverser désespérément la frontière mexicaine en arrivant au Nicaragua. On en a parlé il y a 3-4 ans de ça. C'est une valeur. Oui ça existe, on en a parlé. Des opérations où on t'enlève les organes en VR, enfin il y a des trucs. Ah cool. C'est pas que ça a pas de valeur. Comme jeu d'horreur ça. C'est juste pas ce qu'on fait. Donc du coup, on prend le pli inverse, de dire qu'en fait on va faire incarner aux joueurs des archétypes cool. Et Star Shaman, l'archétype qu'on avait pris, c'est Doctor Strange. Et l'analyse qu'on avait de Doctor Strange, c'était de se dire, en fait, ce qui est cool dans Doctor Strange, c'est de le regarder faire les sorts. Parce qu'en fait, jeu de, lancer le sort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, c'est juste un mouvement, ça fait 3 FX, machin, boum, ça explose. Puis en fait, on s'en fout, quoi. Ce qui est fun, en fait, c'est quand il crée les sorts, qu'il fait ses mouvements. Et donc, la mécanique qu'on avait développée dans Star Shaman, en fait, fonctionnait pas mal. Elle était pas dingue, elle était pas très accessible. Il fallait 2-3 minutes pour comprendre. On a perdu pas mal de joueurs. Mais fondamentalement, en fait, on a réussi ce pari que si jamais on comprenait l'interaction avec la sphère, là, en fait, créer des sorts, c'était fun. Après, le reste du jeu était un peu incohérent. Et surtout, là où on s'est planté, c'est qu'en fait, notre DA était incohérente. C'est-à-dire qu'on l'a gentiment surnommé le problème Rayman. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un jeu qui est chibi, enfin, qui en termes de DA est chibi, mais en fait, qui casse la gueule. Et en 1994, ça marchait bien. Mais en 2020, quand il est sorti, les gens, quand ils voient une DA chibi, bah, ils s'attendent à un jeu pour enfants. Et quand on leur présente un roguelike, bah, en fait, les joueurs qui veulent des roguelikes, ils vont pas voir Star Shaman. Et assez exigeant en plus. Assez exigeant en plus, hein. Donc du coup, Star Shaman. Ouais. Ouais. Oui, oui. En plus, donc voilà, donc on s'est planté là. Et du coup, Tiger Blade, en fait, bah, on a fait attention à pas se planter là. En fait, à garder une cohérence totale entre l'archétype qu'on fait incarner et tout le travail de DA, de world building qu'on a fait autour, qui est hyper fourni, hyper recherché. On travaille avec plein de gens. Enfin, je peux vous en parler pour les plombes aussi. Mais voilà. Et donc en fait, où de A à Z, en fait, la promesse de Tiger Blade, en fait, sur le key art, est cohérente avec le trailer, est cohérente avec les screenshots, est cohérente avec le jeu. Donc vraiment, c'est on vend expérience arcade, cinéma d'action coréen, donc avec sabre et pistolet, et c'est ce qu'on livre. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la cohérence entre nous, entre okay. les deux jeux et la philosophie de design du studio. Ça marche. Laurent, tu avais quelque chose à demander tout à l'heure. Oui, je voulais faire une petite précision parce que c'est vrai que c'est souvent qu'on parle de là tout à l'heure, on parlait de Revive, le jeu de tout à l'heure où on disait qu'il n'était pas très très Survive. Qui n'était pas très très joli. Et c'est vrai que sur le PSVR2, il y a eu pas mal de jeux qui sont arrivés en fait tels quels, qui ont il y a même pire que ça, il y a même des jeux PSVR2 qui sont moins beaux sur PSVR2 alors que c'est les mêmes jeux que sur Quest. Donc des fois quand on s'amuse et souvent c'est lié tout ça à des portages directs où il y a juste les commandes qui ont été changées et puis on l'envoie comme ça et c'est souvent qu'il y a cette discussion qui revient dans Discord ben forcément les joueurs PSVR2 attendent souvent des jeux PSVR2, mais c'est pas non plus péjoratif dans le sens où on a très bien noté des jeux comme Pistol Whip qui sont pas forcément esthétiquement des tueries, par contre c'est des tueries ces jeux. Ouais, mais c'est un parti pris. Voilà. Et là où je voulais bien préciser, c'était que concernant Tiger Blade, c'est que vous à confirmer, donc vous êtes bien à 90 FPS natif avec, et vous avez peut-être la possibilité de passer à 120 FPS et il n'y a pas de reprojection aussi dans le jeu, donc vous êtes vraiment 90 FPS natif. Et l'autre chose au niveau de l'image, bon alors pas de filtre passe-bas ou de choses comme ça parce que c'est vrai que c'est lourd, là c'est plutôt du super sampling avec un rendu à 110% par rapport à l'image native du PSVR2. Alors ce petit côté technique est super important parce que bien souvent les joueurs sur Discord ont tendance à des fois rager sur les graphismes, des fois rager sur des beaux graphismes mais pas nets, et des fois on n'a ni l'un ni l'autre. Donc là j'ai trouvé cette partie, voilà, bah par exemple, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Je peux peut-être y aller du coup. Ça va être pour toi ça, ouais. Ah, vas-y. Ouais. Alors déjà truc très important, le trailer que vous avez vu est basé sur une version qui date d'il y a plusieurs mois. Donc le jeu est beaucoup plus beau au niveau du lighting et au niveau de tout le reste en réalité. Le truc lighting, en fait, c'est la lumière du coup. On est d'accord. Oui, bien sûr. La lumière. On a beaucoup d'anglicisme dans nos métiers. Mais c'est ouais, pour du les coup, gens qui tout nous se passe en fait au niveau de par son prénom. De quoi? On va commencer par ton prénom. Ah bah. Donc ouais, ce que j'allais dire en fait, c'était que finalement, Aiki Macho, quand on a commencé Tiger Blade, on avait l'héritage de Star Shaman qui était avec nous, qui était en fait un jeu qui avait été développé d'abord pour le Quest 1. Donc au final, on avait commencé Star Shaman avant même d'avoir reçu le casque, Donc on avait des rêves plein les yeux, on voulait faire des trucs de ma boule. Et ensuite, on a eu les performances du Quest 1. Donc on a dû repenser pas mal de choses. Et au final, on a fait énormément d'optimisation, on a beaucoup appris. Et on a commencé TigerBlade sans les PSVR 2. Donc du coup, on a eu les contraintes du Quest 1 et la sortie du Quest 2 qui arrivait quasiment un mois ou deux avant la sortie de Star Shaman. Et donc, on se disait que la machine était lancée et que finalement, c'était plus ou moins le niveau de qualité qu'on arriverait à avoir avec une taille d'équipe comme la nôtre sur les casques VR. Mais le truc, en fait, c'est que même si du coup TigerBlade va sortir sur PSVR, mais également sur les casques de maintenant Meta, on a commencé à le développer du coup avec les contraintes qu'on avait en tête, les contraintes qu'on avait appris à comprendre et à contourner de manière astucieuse pour essayer d'avoir plus que ce qui paraissait être les limites physiques réelles du casque. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait encore beaucoup de place sur la PS5 pour le PSVR 2, et on a commencé à développer des systèmes pour du coup essayer de combler le gap et de faire de la performance scalable. Est-ce que quelqu'un a le mot français pour ce truc adaptative? De la technique en fait, super simple l'image. Non. Ouais, fait de la technique qui est améliorable en fait par rapport à la à l'équipement quoi, finalement sur lequel c'est utilisé quoi. Ouais, c'est ça. Un truc qui va se voir d'un hardware à l'autre, d'un support à l'autre quoi. C'est ça. Déjà la qualité des textures, avec l'ensemble des images. Exactement. Et du coup, un des endroits où du coup ça va vous plaire, c'est les textures. En gros, toutes les textures qui ont été faites par les artistes, ils passent dans une moulinette en fait où on vient interroger un modèle de machine learning et on vient les agrandir. Et pour l'instant, on peut les agrandir jusqu'à 32K. Elles sont pas en 32K sur la console, mais on arrive à avoir en fait des détails extrêmement fins dans certaines textures, et tant qu'on a de la place dans la RAM, autant l'utiliser. Et donc avec la vitesse du SSD en plus et la compression Kraken, qui est aussi la moitié de la formule qui permet de charger aussi rapidement sur la PS5, eh bien on va réussir en fait à avoir un jeu qui a été fait du coup initialement avec les contraintes des casques totalement autonomes, donc les MetaQuest, mais avec une finesse beaucoup plus importante pour les textures sur le PSVR2. Et tout ça en fait en gardant l'intention originale de ce qu'ont fait nos artistes, parce que c'est eux qui configurent chacune des passes de machine learning, d'upscale, de compression, ces choses-là. Mais un autre avantage qui est encore une fois extrêmement cool, c'est que quand on travaille sur le moteur de développement, on utilise Unity, eh bien on peut travailler avec des textures beaucoup plus petites et donc avoir une sorte de boost de performance plutôt que d'avoir à recompiler un jeu qui pèserait pourquoi pas des centaines de gigas. Alors que là on peut se contenter d'avoir je vais pas regarder. on est à combien? Ouais, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Plus ou moins, ouais, un truc comme ça. Mais ouais, c'est pas un ordre de magnitude, mais ça reste quand même beaucoup plus flexible pour nous itérer sur ce qu'on fabrique. D'accord. Et autre chose que la PlayStation permet, c'est le post-process. Tout à fait. Très tout à fait. Post-process sur les casques autonomes. Imagine des filtres Instagram qu'on fout par-dessus le jeu. D'accord. C'est pour le dire très vulgairement, hein, mais l'anti-aliasing, c'est du post-process. Tu prends en fait ta frame, ton image finale, et tu viens en fait traiter les pixels. Ça peut être de l'ajustement colorimétrique, ça peut être ce qu'on appelle le bloom, qui est simplement faire briller encore plus fort certaines. Qui est dans énormément de jeux PSVR 2. Mais c'est le voile blanc, ça. C'est une espèce de voile qui donne l'impression d'avoir un voile lumineux blanc. Un effet de lueur autour de la lumière. Ouais, c'est ça. Mais qui a beaucoup d'horizons d'ailleurs. Qui est dans beaucoup de jeux. Et même, en VR, spécifiquement, il y a la vignette. Quand le cercle se resserre autour de vous, c'est pas réellement un cercle 3D qui se ferme autour de vous, c'est vraiment les bordures de l'écran qu'on vient noircir avec juste la formule d'un cercle qu'on vient masquer par-dessus la frame 3D. Et justement, ça et c'est. Et donc, ouais, c'est tout ça le post-process. Et ça, c'est contre justement D'accord. le motion sickness pour les jeux assez vifs, on veut dire, comme le vôtre. Ouais. Au niveau, mais aussi pour les vignettes de dégâts. Si tu l'as fait en rouge, bah, du en coup, rouge, tu comprends que tu t'es pris un coup. Ça se voit beaucoup. Mais justement. Ça, c'est du post-process. Ça, c'est quelque chose qui se fait directement via la console. Je vous ai perdu là. Il se fait sur l'image. En fait, il se fait sur l'image déjà rendue. Ouais, en fait, t'as rendu ton jeu, t'as rendu ton image. En fait, le post-process, c'est tout ce que tu rajoutes par-dessus de ce qui a déjà été rendu en 3D. D'accord. Enfin, okay. Ça peut être, tu peux dire du post-process 3D, mais en gros, en fait, tu fais ton rendu de ton jeu et puis après tout ce que tu rajoutes par-dessus. Typiquement, c'est pour ça que t'as pas de bloom dans le quest, parce qu'en fait, le quest est pas capable d'afficher du post-process. D'accord. Enfin, il est capable, mais ça coûte tellement cher que finalement, voilà. Ouais, vaut mieux pas en mettre, quoi. C'est plutôt intéressant, ouais. Et justement, donc oui, comme c'est un jeu, on l'a bien compris, quand même avec une action très très soutenue et des déplacements assez vifs, est-ce que vous avez justement mis en place peut-être des options de confort pour les gens un petit peu sensibles à ce type de mouvement ou de déplacement? Est-ce que vous avez eu des retours justement dans les playtests des joueurs là-dessus? Est-ce que vous avez connu peut-être des difficultés pour justement adapter le gameplay à le plus grand éventail possible de joueurs, quoi. Bah, on a une équipe qui est très sujette au motion sickness. Mmh. Donc, au final, on met nos garde-fous nous-mêmes. Mmh. Et on avait des séquences où on slidait sur des trucs en pente avec des ennemis sur le côté où tu voyais en fait le décor défiler. Ouais, c'est chaud. Ou des trucs où on se balançait sur différentes choses. Il y a beaucoup de ces problèmes qui ne seront pas. Enfin, de ces problèmes, de ces situations-là. Qui ne seront pas dans le jeu parce que sinon bah, on l'aurait pas fini, quoi. Ah ouais. On passerait notre temps à gerber plutôt qu'à développer. Ça marche pas, ou tu sens que justement les retours sont, enfin les gens sont un peu sensibles justement sur ce genre de phase là. En fait, là vous coupez carrément. On a gardé les choses. Il y a les tyroliennes, on peut voir dans le trailer d'ailleurs, mais les tyroliennes sont plus courtes. Mais ça reste des lignes droites, quoi. En fait, si tu veux, le truc, c'est que après, on a une approche qui est, on passe le cachon, on a une approche marché aussi. La raison pour laquelle, typiquement, un exemple, la raison pour laquelle Pixar fait des films mass market, c'est qu'en fait, leurs films coûtent tellement cher qu'ils sont obligés de faire des films qui parlent à tout le monde pour être rentables. Le marché de la VR, il est petit. Et il est déjà exigeant, hein, vous le montrez, et puis à juste titre, hein, mais il est déjà exigeant. On passe très peu de choses aux développeurs VR aussi, parce qu'en fait tout l'imaginaire collectif de la VR c'est Ready Player One. Et donc en fait, tant qu'on n'en est pas là, les gens diront que c'est de la merde. Genre quand ça sera photoréaliste, machin, youpi, en fait tout le monde dira youpi. Et en fait non, tout le monde dira pas youpi, parce que typiquement Horizon Call of the Mountain, c'est très beau, mais enfin objectivement on se fait chier. Et donc c'est pas le photoréalisme qui sauve. J'aime bien, on peut lancer le débat si tu veux. Mais il y a des trucs qui sont chouettes, mais enfin c'est quand même The Climb et un système de combat qui est très chouette, qui est bien trouvé. Alors. Mais voilà. Mais le propos, c'est de dire que dans du coup, notre but, c'est de faire des jeux qui parlent au plus de gens possible. Et il y a plein de gens, en fait, on s'en est rendu compte avec le Quest 1, il y a plein de gens, et puis avec le Quest 2 et le Covid, qui viennent à la VR, qui n'ont jamais fait de jeux vidéo. Et si on veut faire des jeux qui en fait, parlent à tout le monde, enfin, qui parlent à un maximum de clients, en fait, de clients potentiels, et on le dit sans aucune honte, il faut faire un truc qui est le moins gerbant possible, quoi. Au-delà du fait que on n'est même pas convaincu que les situations gerbantes pour certains sont tellement, enfin, gerbantes pour certains, mais pas pour d'autres, sont tellement kiffantes pour ceux qui gerbent pas que ça vaut le coup de les faire. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, du coup, à un moment, tu, voilà. Et puis ensuite, les playtests de Tiger Ben ont montré que, dans son état actuel, il y a, comme en fait le déplacement est linéaire, en fait c'est tout droit, toujours tout droit, et on voit toujours, le point suivant est toujours dans le champ de vision. Mmh. Du coup, il n'y a jamais de translation de travers, en fait, ce qui fait que, en fait, c'est que des mouvements linéaires. Tu vois toujours loin à l'horizon, en fait. C'est ça. Atténue beaucoup le comme en bagnole. Ouais, c'est ça. Et sauf que c'est même pas à l'horizon, en vrai, hein. C'est à 7-8 mètres max. Tu vois plus loin que ta vision proche, quoi. Enfin. C'est ça. Et du coup, comme tu regardes ton point de destination, le mouvement est pas gerbant. Et donc du coup, tout ce qui est vignetting et tout ça, en fait, on en a pas vraiment besoin. Mmh. D'accord. Mais vous avez quand même laissé quand même pas mal, enfin quelques options justement pour peut-être des passages. Comme tu disais, les tyroliennes ont été raccourcies, mais j'imagine que quand même il y a des Il y a... Genre, on pourra rajouter des vignettes, des choses comme ça. Ah, bien sûr. Ouais. Enfin, ça, c'est un truc qu'on fait. Et on... Ouais, pardon, Olivier, désolé. Et on peut. Ça se joue debout, principalement, ouais. Mais on peut le faire complètement assis. Ah, ah tant pis, ça y... merci. Ça y fait le test. Merci. J'apprécie. Ouais. Mais, du coup, il n'y avait pas moyen, là, je reviens sur les phases du coup, que vous avez testées, bah, l'histoire de slide là, sur la rampe, etc. Moi, ça me fait penser. Et d'ailleurs, même dans le gameplay, il y a des petites phases qui me font beaucoup penser à Fragd. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sorti sur PSVR. Et du coup, il y avait une phase. Alors moi, c'est moi qui avais fait le test d'ailleurs. Il y avait une phase que j'avais adorée, c'était la descente à ski. Et il n'y a pas moyen, donc je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la descente de rampe ou les différentes scènes que vous avez coupées justement dans le jeu par rapport à ce problème de motion sickness. Il n'y avait vraiment pas moyen en fait de passer outre tout ça avec tout ce qui est options de confort telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et justement garder toutes ces scènes là plutôt que de les couper. Alors oui, mais non. Oui, parce que en soi, évidemment, on aurait pu passer. Non, mais on aurait pu passer beaucoup. On aurait pu passer beaucoup de temps à faire ça et à faire de la recherche sur OK, comment est-ce qu'on arrive à rendre cette scène assez confortable de manière à ce que tout le monde puisse y jouer. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de playtest. Et temps et argent, parce que le test coûte de l'argent, en fait, qu'on a préféré passer dans production de contenu qu'on sait fonctionner. Et de manière très très rationnelle, quoi. Et c'est prendre le risque aussi quand tu adaptes une scène comme ça, peut-être de dénaturer un petit peu l'idée d'origine aussi, je pense. Il y a de ça, parce que ce que je disais au père, c'est qu'on a raccourci les tyroliennes. L'alternative, c'est qu'on aurait pu ralentir la vitesse. Ça rend beaucoup plus confortable. On a trouvé que casser le rythme, ouais, qu'on imposait pas particulièrement d'ailleurs, parce que si t'as envie de rester sur place, comme disait Yann, devant un objet pour souffler un peu ou continuer de parer les coups d'un mec le temps de récupérer, tu peux. Mmh. C'est absolument pas un jeu de rythme, c'est ton rythme. Alors, en pratique, tout le monde est super frénétique. Quand t'as envie de trancher le mec d'après, tu tires vite. Et ralentir les séquences où on était contrôlé, on a des tapis roulants, on a quelques éléments comme ça, collait pas. Hmm. Avec le rythme, le tempo du jeu, quoi. Le reste du jeu, donc, ouais, exactement. Donc on a raccourci les séquences plutôt que de les ralentir, et c'est comme ça qu'on est parti. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'ambiance générale du jeu, où vous êtes parti du coup vraiment sur l'actionneur coréen, alors que ce soit dans l'ambiance graphique et puis dans les décors et aussi dans la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller dans ce type d'ambiance, quoi, en particulier? C'est quand même pas courant, quoi, je veux dire. Non, clairement pas. Il doit y avoir des fans. Non, alors en fait, la musique, c'est une dimension assez importante dans nos jeux et puis dans l'absolu au studio. On a des enceintes partout et c'est un peu Olivier, ça vient un peu d'Olivier parce que Olivier est fan de musique et il a son groupe. Il a un clavier là à côté, un clavier de synthé à côté du machin, avec lequel d'ailleurs il fait les aptics, parce que les aptics en fait sont des sons. Donc en fait, c'est lui qui fait les aptics. Compose les aptics. Et en fait, pour Tiger Bait, on se posait la question de la musique. En fait, ce qu'on voulait à tout prix éviter, c'est le cyberpunk. En fait, on voulait pas tomber là-dedans, et c'est pas évident de pas tomber là-dedans quand on va dans l'asiatique. Parce que, alors je fais l'asiatique en général, mais en fait, dans l'asiatique moderne, donc Corée, Japon, Hong Kong, Singapour, donc en fait, les grosses villes, bien machin, puis après un peu la Chine aussi, mais dans l'imaginaire occidental, c'est un peu ces endroits-là. Et en fait, ville étroite, pluie au sol, néon. T'es très vite dans Ghost in the Shell, quoi. Voilà, très très vite. Et en fait, on voulait absolument éviter ça. Et donc, en fait, tout ce qui était synthwave et machin, c'était pas possible. Et du coup, ça posait un peu la question de la musique. Et on est dans le train avec Shérif et Olivier, d'ailleurs, autour de Bruxelles, ou un truc où on était allé pour la VR. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas le hip-hop, parce qu'après tout, c'est une ambiance assez sombre, assez street. Donc, regardons le hip-hop. Et donc, j'ai sorti sur Spotify une playlist de, on va dire, 15 000 chansons de hip-hop coréen. Mmh. Et puis, j'ai commencé à écouter ça. Et puis en fait, je me suis un peu assoupi, ouais, parce qu'en fait, non, mais on va pas se mentir. Ah merde. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec la musique, c'est quand tu l'écoutes, en fait, et que tu l'écoutes pour un besoin spécifique, très rapidement, il y a tes goûts qui rentrent dans le truc, tu fais, ça j'aime pas, et t'oublies, en fait, pourquoi tu l'écoutes. Bref, et en fait, donc, du coup, je commence à sérieusement piquer du nez. Il y a une chanson de Sins, qui est Tang, T-A-N-G, de Sins, S-I-N-C-E, donc l'artiste, en fait, qui m'a réveillé. Et je me suis dit, putain, c'est ça. Et alors, ça fait un peu genre moment d'illumination, mais ça a vraiment été ça. Et du coup, je me dis, en fait, c'est du hip-hop, il faut du hip-hop coréen féminin. Parce qu'en fait, il y avait une détermination dans son interprétation, en fait, qu'il n'y avait pas dans tout le hip-hop que j'avais entendu avant, qui était plus un peu enfin, en gros, le hip-hop coréen, en fait, ils ont repris les codes du hip-hop américain, mais ils ont enlevé tout le cul. Ils ont juste gardé le côté bling. Et donc, en fait, le hip-hop masculin, c'est assez, c'est très bling-bling, quoi. Enfin, c'est l'interprétation est pas ouf, pas très entraînante. Et elle, en fait, elle a un flow qui est assez dingue. Et donc je dis à Olivier, ah, il y a ce machin là, et on commence tous les deux à chercher hip-hop féminin, et on tombe tous les deux sur un blog. Alors l'histoire un peu longue, mais elle est marrante. Sur un blog qui est en anglais, qui est écrit en très bon anglais, mais pas assez bon pour être native. Et donc on se dit, ok, en fait, moi je me suis dit, ok, c'est des Coréens qui veulent faire la promotion du hip-hop coréen, du hip-hop féminin coréen dans le monde, donc du coup voilà. Et Olivier me fait, c'est français. Je suis sûr déconner. Donc il m'envoie le truc, et en fait, en effet, c'est français. On trouve le nom de la personne qui tient ce blog. On Google le machin, et en fait, 16 minutes, je ne déconne pas, 16 minutes auparavant, avait été posté sur le Figaro étudiant un article qui interviewait cette jeune fille qui s'appelle Héloïse Palot, et qui, en fait, où elle parlait de sa passion pour, en parallèle de son master, en fait, de sa passion pour le hip-hop coréen. Article qu'elle nous avouera plus tard avoir été une faveur à sa tante qui bosse au Figaro étudiant et qui n'avait personne, qui n'avait pas d'étudiant à interviewer, qui avait besoin de quelqu'un, donc elle a interviewé sa nièce. Donc la fille, elle a fait une école de commerce à Rouen. Donc du coup, j'ai demandé à un pote qui a fait cette école de commerce quel est le format des mails de l'école de commerce de Rouen pour pouvoir lui écrire, et je lui ai dit bon voilà. Machin, c'est l'enquête quoi. Donc ouais, c'était déterminé quoi. Et en fait, on en arrive à, donc, elle est hyper enthousiaste pour le projet. Donc, on lui dit, bon, bah, voilà quel est le truc. Et en fait, en gros, la manière dont on a bossé, c'est qu'on lui a dit, voilà quel est le chemin émotionnel. Parce qu'il y a une histoire dans le jeu. Quel est le chemin émotionnel du personnage à travers tous les niveaux? Et on lui a dit, bah, en fait, fais-nous des propositions. Parce que nous, on connaît pas la scène, quoi. Mais elle la connaissait très, très bien. On lui a dit, bah, fais-nous des propositions de chansons qui pourraient correspondre à ce moment, en fait, cette émotion qu'on cherche à traduire dans le jeu. Donc elle nous a fait toute une liste, en fait on avait une quinzaine de chansons, voire une vingtaine de chansons par niveau, et on a fait au studio notre sélection. Et ensuite on a croisé cette liste en disant, bon bah quels sont les artistes qui sont les plus... Et en fait je crois qu'à ce moment-là on s'est dit, ok, on va pas faire d'essencing, on va essayer de faire de l'original. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on se l'est dit, et on a croisé toutes les chansons. On s'est dit bon voilà quel est l'artiste qui ressort le plus. Alors sans surprise, il y avait Sins, mais il y avait quelques autres. Et en fait, on a commencé juste à les contacter spontanément sur Instagram ou alors sur les mails qui étaient disponibles qu'on trouvait sur le site. Et on en a parlé à pas mal. Entre temps, moi, j'avais commencé à apprendre le coréen parce que la culture m'intéresse. Et en fait, je me suis servi. Enfin, c'est la fille de ma prof de coréen qui nous a servi d'interprète parce qu'il parle pour la plupart très très peu anglais, voire pas anglais du tout. Et donc, on a commencé en fait à parler à différents artistes de voilà ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça vous intéresserait de bosser avec nous, machin. Et tout le monde a dit. En gros, tout le monde a dit oui, sauf un qui était beaucoup beaucoup beaucoup trop cher. Une chanson, c'était l'équivalent à peu près du budget total qu'on avait pour le. Ah ouais, ça calme. Mais bon, soit. Non. J'aurais bien vu un niveau sur Gangnam Style. Ouais, moi, je te raconterai une histoire sur Gangnam Style, si tu veux, tout à l'heure. Mais, et en fait, on a. Et donc, au final, et puis, en fait, et Sins répondait pas. Et en fait, du coup, moi, j'ai continué à harceler Sins pendant 6 semaines, je pense. Et à un moment, on reçoit un mail d'une boîte de prod qui dit bonjour. On est la boîte de prod qui manage Sins. On a reçu votre demande et ça nous intéresse. Est-ce qu'on pourrait se parler? Et puis lui parlait anglais. Et donc du coup la discussion s'est faite plus simplement. Et puis il nous a dit bah écoutez, en fait le projet nous botte bien. Est-ce que ça vous tente qu'en fait on la produise pour vous? C'est qu'en gros on fait un contrat entre nous, et en fait nous on gère les auteurs et on gère les artistes, et en fait on gère la production de la musique. Et donc du coup ils nous ont eu le groupe de producteurs de producteurs de musique de hip-hop coréen le plus réputé de Corée pour en fait les tracks sonores, et ensuite on a bossé avec les artistes Et on a voulu leur laisser une liberté totale dans leur interprétation, parce qu'on n'allait pas les voir pour leur dire quoi faire. Donc en fait, on a choisi ensemble, en fonction, pareil toujours, de ses états émotionnels du personnage à travers l'histoire, les tracks qui correspondaient le mieux à ce moment-là du jeu. Et ensuite, c'est les artistes. Moi, je disais, j'aime bien celle-là ou celle-là. Et l'artiste disait, j'aime bien celle-là. Donc, souvent, en fait, pratiquement toujours, on a dit, OK, l'artiste, vas-y, fais ce que tu veux. Compromis, quoi. Et ensuite, moi, je suis allé, on est allé en Corée avec toute l'équipe art pour prendre des références photos et vidéos pour que tout ce qui est dans le jeu soit authentique. Je fais juste une aparté sur l'art et sur le travail d'univers parce que, en fait, Je reprends l'exemple de Ratatouille de Pixar, mais ce qu'ils avaient dit quand ils ont fait Ratatouille, c'est 99,9% des gens qui vont voir le film n'auront jamais mangé dans un restaurant étoilé, et encore moins auront mis les pieds dans les cuisines d'un restaurant étoilé. Mais 100% des gens sauront instantanément s'ils voient à l'écran que les scènes dans la cuisine n'ont pas été recherchées et que c'est fake. Parce que ça se verra. Et donc, en fait, ils ont passé des mois chez Bocuse, il me semble, à l'époque, en fait, à placer des caméras, voir comment les gens se déplacent, comment les gens se parlent, quel est le rythme, en fait, tout ça pour, en fait, recréer l'ambiance d'une cuisine. Et donc, nous, on a fait la même en se disant, en fait, si on fait la Corée imaginée par des Français, ça ressemblera pas à la Corée. Et si vous avez vu un animé qui date d'il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Noir, japonais, qui en soit très rigolo, mais clairement, les mecs, ils ont jamais foutu les pieds à Paris. Mmh. Et c'est supposé se passer à Paris, mais il y a rien qui va. Et en fait, on s'est dit, on peut éviter ça. Donc, du coup, on a 150 gigas de photos et de vidéos de référence au point où, en fait, chaque asset qui est dans le jeu a une référence. Quoi. Donc, en gros, les poubelles que vous voyez, on les a vues là-bas. Et voilà. Et donc, du coup, j'y suis retourné pour parler avec les artistes, en fait, et pour faire cette espèce de make-off musical en disant, voilà, en fait, pour se mettre d'accord, en fait, exactement sur la vision. Et ensuite, on leur a laissé liberté totale. Mmh. Et donc, on a 9 tracks. Par 4 artistes différents, donc Sins, Brin, Bruno Champman et Kitsoji, donc deux filles, deux garçons, qui sont, que nous on adore et qui tabassent, qui sont vraiment de qualité album, quoi. Ils ont vraiment kiffé le projet, et en fait qui viennent du coup donner une identité hyper forte au jeu, et qui est assez singulière, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas vu ça ailleurs. C'est vrai que c'est quand même pas commun justement dans les jeux comme ça que justement le studio aille chercher des artistes qui ont déjà fait des productions, ont déjà sorti leurs CD, leurs albums, etc. Et puis leur demande justement de faire des morceaux originaux uniquement pour le jeu, quoi. Et c'est, je pense, une bonne chose aussi que vous ayez pu trouver un studio qui puisse enregistrer et produire ce genre d'album, quoi. Et j'imagine aussi que la compilation peut-être sortira. En même temps que le jeu, quoi. C'est ce que j'allais demander. Comme vous l'avez fait sur Star Shaman, du coup, donc ouais. Question. Ça sera la même chose. Naturellement, je pense que c'est peut-être un terme de contrat aussi qui est négocié, dans le sens où si vous vendez l'OST, il y aura forcément une part qui sera reversée aux artistes qui ont fait la bande-son. Donc je pense que pour eux aussi, il y a un gain potentiel derrière en disant on fait un son exclusif, c'est vendable, donc why not, quoi. Et puis t'es super content de faire un album, hein. On était tellement heureux de faire l'album de Star Shaman, parce qu'on trouvait qu'il déchirait, d'ailleurs c'est ce qui nous a valu quelques prix. On compte refaire la même, quoi. Ça mérite d'être écouté, ça fait un super album. Et il y a de la collab qui est jamais arrivée entre les différents artistes, du coup, comme ils sont. C'est Tigerblade qui les a fédérés, on a un morceau où tous chantent et où tous ont écrit leur partie. Ce qui est assez prisé et commun en Corée, visiblement. Donc ça se fait à travers le jeu. Ça a été leur point de connexion. Et je suis super content d'avoir suscité une occasion supplémentaire. Et quand tu mets en place ce genre de choses-là, t'as pas l'impression quand même de créer quelque chose de presque aussi important que le jeu en lui-même? Enfin, je veux dire, la musique pour beaucoup de gens, moi j'en fais partie, c'est quelque chose quand même qui reste des années et des années, quoi, plus que dans le jeu, plus qu'un jeu ou un film ou quelque chose comme ça. Normalement, c'est beaucoup plus intemporel, quoi. J'ai l'impression que quand tu mets ça en place, tu dois avoir une sacrée fierté, quoi. Alors oui. Oh non. c'est rien. Non, mais grave. En fait, en vrai, quand j'y repense, c'est génial. alors si je fais une aparté perso, en fait, si tu veux, moi j'ai fait une grande école, j'ai un master en finance, et en fait je me retrouve 15 ans plus tard en Corée à discuter d'une BO avec des artistes, des artistes qui n'ont pas la même langue, quoi. Enfin, et je bredouille la leur. Donc si tu veux, c'est, oui, c'est, d'un point de vue personnel, c'est génial. Et d'un point de vue pro, évidemment aussi, et je trouve que le résultat est supérieur à mes attentes. On a tellement la tête dans le guidon qu'en fait on n'a pas encore vraiment eu le temps de se dire putain, c'est cool. Ouais. Ça n'a pas décanté encore. Non, mais quand je l'écoute, j'en suis hyper fier. Je suis hyper content. Enfin, franchement, c'est un peu ridicule, mais je suis toujours hyper ému quand je vois, c'est chouette. La musique, c'est fait pour en même temps, donc c'est normal. On est fier de. On est même tellement fier de Tiger Blade. On est content de la musique, de la réussite du gameplay. On sent qu'on a un truc vraiment on a un truc qui déchire. On s'est fait des goodies. Mmh. J'avais envie de vous les montrer. Mais je dis ça, mais ils sont au bureau, donc ils ne m'entendent pas. Ce teasing. Tout est préparé. On les a vus. En fait, si tu nous suis. Il y a des goodies sur moi. Pardon, t'as les goodies sur toi. Redites-moi ça. Je disais qu'on était tellement fiers de ce qu'on faisait avec Tiger Blade qu'on avait fait des goodies un peu communes. Et si vous nous avez suivis à GDC, c'est peut-être pas le cas, vous avez vu sur certaines photos, mais toute l'équipe qui travaille sur Tiger Blade, Roger Max, Donc pour la version audio, en fait, c'est une chaussure qui est. Paire de chaussures Nike. Non. Ah ouais, partenariat Nike, exactement. Au partenariat, non. Il y a des Nike, des Vans. On les achète, on les customise. Et on a demandé s'il y avait un tarif de groupe, on nous a dit. Voilà. Il a éternué, à tes souhaits. Un peu ça. Donc on fera peut-être des bundles soundtrack et paire de pont. Ah, d'accord. Moi, c'est, et le jeu. C'est original. Et le jeu en collector. Et dans un steelbook. Il y aura un steelbook, mais il n'y aura pas le CD dedans. Il n'y aura pas le CD. C'est ça. Merde. C'est tenté. Okay. Et puis ma question aussi au départ, c'est l'envie justement de partir dans l'actionneur coréen. Est-ce que vous aviez peut-être au niveau justement du cinéma ou peut-être de la littérature, est-ce que vous aviez un petit peu quelque chose en tête, une inspiration un peu particulière? Tout ça, c'est la faute de Jean-Claude, déjà. Comme on a un énorme poster avec Van Damme au-dessus de nous. Jean-Claude Van Damme. Ça inspire. Enfin, tu rentres chez nous, t'as Van Damme en 2 mètres de haut. Quelque part, ça doit infuser. Il te parle quelque part. Tu vois, C'est ça. Ce que ferait Jean-Claude, autrement, une des phrases les plus prononcées au studio. C'est vrai. Mais en fait c'est venu venu d'une passion, enfin d'un intérêt que modestement j'ai pour ce genre, parce qu'en fait j'aime bien ce cinéma parce que je trouve qu'il est on va repartir dans les vocations personnelles, dans l'anecdote de 2 heures, tu peux le dire. Non, dans les avis un peu francs, mais enfin franchement moi les films hollywoodiens ça me fait chier. J'ai pas vu un Marvel depuis Iron Man 2. Bah, t'as rien perdu. Et j'ai pas vu les derniers Star Wars parce que j'ai essayé. Ah là t'as rien loupé par contre. Et j'ai arrêté. Et en fait, je trouve qu'on se fait chier avec le cinéma américain. Et je trouve que leur cinéma en fait est beaucoup plus sombre. Il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus vrai. Et j'aime bien le fait que ça se finisse pas en happy end, que le héros gagne, quoique pas toujours, mais que le héros gagne et que avec que un seul pas en train, genre ok. Mais non, mais c'est sympa, genre Dwayne Johnson qui a planté le drapeau américain sur la lune en disant j'ai combattu le racisme, quoi. C'est un peu plus fin que ça, quoi. Et la victoire a un sale goût, et comme tu dis. Et en fait, et puis il y a le côté action, sabre, pistolet, violence, en fait, qui est hyper identifiée, identifiable, hyper forte. Et en fait, moi, j'avais envie de faire ça, quoi. Et en fait, ça s'est rencontré, quoi. C'est ce qui est devenu Tiger Blade. D'accord. Et après, oui, enfin, s'il y a des films, oui, des films, mais bon, enfin, c'est le cinéma néo-noir, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est Bittersweet Life, et puis, l'autre m'échappe. C'est 90, Man on High Hills. Man on High Hills, exactement. Man on High Hills, c'est mon préféré. Ouais, Bittersweet Life, c'est début 2000. Mm. Et Man on High Hills, c'est un peu plus récent, c'est 5-6 ans, je pense. D'accord. Et que j'aime beaucoup. Et puis après, The Man from Nowhere, qui est très sympa. Évidemment, après, on passe les Old Boy et compagnie, hein, parce qu'on est pas du tout dans ce thème-là, dans Tiger Blade. Donc évidemment, c'est des chefs-d'œuvre. C'est moins crassé. Mais oui, bah, voilà, c'est ça. tu finis pas. Enfin, je veux pas spoiler à ceux qui l'ont pas vu. Non. Mais surtout pas. On va pas jusque là. Non. donc voilà. Il y a un film qui nous a pas mal marqué quand on faisait Tiger Blade, c'est The Villainess. The Villainess, ça me dit quelque chose, ça, mais. Ouais. Il y a un plan. En fait, c'est en termes de. Il se permet beaucoup de choses en termes de réal en Corée qu'on se permet plus ou pas en Occident. Il y a tout un plan première personne qui en fait c'est All Boy à la première personne et après il y a une transition entre première personne et puis caméra enfin troisième personne machin qui est dément et c'est un film sur une tueuse d'une organisation en Corée et qui fonctionne très très bien enfin qui est un très chouette film la grosse c'est pas le film du siècle hein, pas se mentir mais en termes d'univers et d'identité il est chouette. D'accord. Parce que il y a ici le côté vraiment chorégraphié vraiment aux petits oignons qu'on retrouve justement dans le cinéma coréen que peut-être qui vous a aussi pas mal inspiré justement pour le jeu et pour essayer justement de faire le rythme le plus soutenu possible, le plus efficace et droit au but. C'est un truc qu'on retrouve en général dans ce cinéma-là quoi. Il y a rien qui est laissé au hasard en fait. Non, c'est hyper carré. Et est-ce que le rythme de la musique, un petit peu comme dans Pixel Whip, donne un rythme au niveau de l'action, des coups à porter, des choses comme ça? Est-ce que visuellement, en fait, la rythmique est visuelle aussi? La rythmique est utile, voilà. Oui, parce que c'est pas un jeu de rythme. D'accord. Dans le trailer, on a l'impression que le trailer a été monté en rythme en fonction de la musique. Parce que les trailers, c'est toujours monté justement en fonction de la musique et calé sur la musique. Mais quand il y a le tempo et tu sens que quand ils tirent au pistolet, ça suit le tempo exactement. Donc après, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à croire que la magie du montage. Mais en fait, Yann, si tu veux, quand je sais pas si t'as vu Baby Driver de Edgar Wright. Où certaines scènes d'action justement et certains coups de feu sont vraiment calés sur la rythmique du son. Et si vous avez l'occasion, regardez-le en Atmos. C'est une techno avec le son 3D qui se balade autour de vous. Ça doit être fou. C'est fabuleux. Mais justement, en fait, la question d'Aleroco, justement, c'est sans aller sur la définition du jeu de rythme. Est-ce qu'il y a quand même une corrélation peut-être dans la mise en scène de l'apparition des personnages, par exemple, comme c'est le cas dans le Pistol Whip, qui se fait en fonction du son, ou est-ce que c'est complètement décorrélé? Alors deux réponses à ça. Donc non, c'est pas un jeu de rythme. Il y avait une limite basse dans les BPM sur les tracks qu'on choisissait pour que ce soit pas un jeu trop lent. Ouais. Donc en fait, on voulait de la musique qui soutienne l'action. Imagine que t'écoutes de la musique pour faire du sport. Tu cherches un truc qui va te booster et qui va te donner la rage. Et c'est ce qu'on cherche à avoir en fait. Motivation. Ouais, de la musique pour te motiver à trancher. Enfin, j'écoute du reggae, c'est pour ça que je suis pas bon en sport. Et après, il y a le sillonnage de la musique. Olivier, je peux te laisser expliquer ce sillonnage de la musique, les stems et compagnie. Je vous abandonne 5 minutes, je reviens. Ça marche. Tu peux expliquer ça? Vas-y. Oui, non, démerde-toi avec ça, vas-y. Tranquille. Le quoi? Oui, c'est. Certes, ça nous permet de faire un coucou à des mutes, qui est du coup ceux qui font l'intégration de l'audio temps réel dans le jeu, qui sont des copains belges avec qui on avait déjà travaillé sur Star Shaman. Ils sont tellement chouettes. Qu'on continue de travailler avec eux. Le saucissonnage dont Yann parle. C'est la méthode pour déclencher des pistes supplémentaires, soit des boucles, soit des pistes longues, en fonction des événements du jeu. Donc on peut pas dire que c'est un jeu rythmique parce que le gameplay ne change pas en fonction que tu sois ou pas calé avec le beat. En revanche, tu vas avoir des nouveaux layers de percus, des beats de synthé ou des voix ou des chœurs qui seront en fonction des différents ennemis qui vont arriver, de la façon dont on peut nettoyer un niveau ou pas. Donc la musique est dynamique, quoi. D'accord. Et elle suit, on essaye de maximiser l'intensité quand t'es submergé, histoire que quand tu sors de là, tu te dis, j'ai vraiment passé un truc de ouf. Et tu transpires à grosse goutte, hein. Il n'est pas fait pour faire du fitness, mais je pense que tu perds. Même assis. Non, mais le jeu présenté comme il est sur le trailer, en fait, j'ai l'impression que plus t'es bon, plus tu sues, en fait. C'est exactement ça. A l'air d'être ça. Un peu le truc, ça, c'est que tu dashes. Plus tu casses des télés. Tu élimines un ennemi, tu. Ah, tu vas péter des télés, là, en fait, c'est cool. C'était de leur faute, je le répète. D'ailleurs, vraie question en parlant de ça, le jeu. Ah oui, donc vous avez dit qu'il pouvait se jouer assis, donc j'allais poser la question de savoir s'il était impératif d'avoir une zone de 2 mètres par 2 mètres, comme on a pu le voir sur. What the Bat, d'ailleurs. Tu vas quand même faire des mouvements assez amples. Hein. Ouais. Ouais, parce que je veux dire, c'est que c'est pas. Ce n'est pas limité en fait, parce que What the Bat n'est pas jouable si tu n'as pas cette zone définie. 2 mètres par 2 mètres. Ton room scale de 2 mètres par 2 mètres. Ce qui va être très important pour nous en fait, c'est que tu sois sur le node, le point en fait, où tu dois être positionné, parce que quand on te fait dasher. Tu dois arriver en fait en face de l'ennemi qui a en bout de ligne et ce truc là en fait c'est ce qui te permet de traverser ce qu'on appelle des constellations d'ennemis et donc bah du coup d'arriver à ce truc qui est extrêmement nerveux sans que bah en fait tu tombes dans les cas où tu peux avoir de la motion sickness parce que t'as dashé un peu à côté et qu'à chaque fois tu dois te réajuster ouais. Et c'est ça en fait qui te. Enfin, c'est un des nombreux trucs qui pourrait te donner la gerbe en VR. D'accord. Après, perso, moi je joue pas assis. Hein. C'est impossible. Je comprends pas comment on peut jouer assis à un jeu où t'as envie de battre ton record. Hein, oh, ça se fait. Hein. Mm-hmm. Ça se fait. Ça dépend les jeux. Ah, ça dépend les jeux. Du combat au sabre aussi. C'est vrai que quand les mecs passent par en dessous ou te bloquent aussi, t'as envie d'avoir un peu plus de répondants et t'as quand même mieux debout que d'amplitude. Ouais, mais ne serait-ce que pouvoir bouger la taille en fait beaucoup plus simplement que quand t'es assis, le fait d'être debout. Les chaises de bureau, mon ami. Les chaises de bureau. C'est vrai. C'est bien les chaises de bureau. Pratique. C'est vrai aussi. J'ai une question pour Shérif. Je t'en prie. Techniquement parlant. Alors on a eu avant à l'époque beaucoup de devs qui ont fait l'éloge du PSVR 2. Est-ce que c'est simple ou compliqué de développer du coup sur PSVR 2 pour la PS5? Alors. C'est un peu les deux. C'est un Est-ce peu que les Cerny deux. A menti parce que en réalité ah tiens je suis en train de perdre mes écouteurs. Vous m'entendez toujours? Oui on t'entend toujours. Ouais, toujours. Ok. Alors je vais faire vite. En gros, c'est simple parce que au final, t'as beaucoup de choses en fait qui sont transversales à travers tous les casques. C'est compliqué. Ça a été compliqué pour nous parce que on a développé le jeu pendant que le casque et les fonctionnalités du casque étaient développées en même temps. Et ça reste super passionnant hein, parce que du coup on peut donner du feedback à Sony et avoir un réel impact sur la priorisation des features, ce genre de choses. Et puis en soi, le cahier des charges de Sony est peut-être celui qui est le plus exigeant en termes de droit d'accès au store sur Meta, sur Pico, sur même Steam en fait. Il y a des listes de trucs à remplir pour bah du coup être certifié un peu comme le seal of quality de Nintendo distribuable du coup là ça porte pas forcément de nom mais ouais chez Sony le cahier des charges est un peu plus restrictif pas lourd mais il est plus complet et de toute façon il y a rien qui est surprenant dans leurs guidelines, ce qu'ils appellent les TRC, donc les Technical Requirement Checklist. Et tout a l'air en fait très naturel au final. Hein. Il faut que le jeu ait des haptics, il faut pas qu'on ait des images rémanentes, genre que tu mettes pas des flashs dans la tête des gens qui du coup font laisser des traces rémanentes dans l'écran. Sur l'écran, ouais. Tu dois pas faire vibrer le casque plus de X secondes en fonction de l'intensité de ta vibration. Il y a rien de comment dire qui te semble aller à l'encontre de ce qui te semblerait naturel si tu prends le temps de bien faire les choses. Et donc c'est un gain d'une part pour la qualité du catalogue qu'il y a sur PlayStation, mais parce que ces guidelines en fait on les prend en compte dès le départ, ça sert à tous les casques au final. Et ça devient en fait notre façon de faire du jeu, en tout cas une base commune. D'accord. Donc si on doit résumer, du coup, en fait, vous avez surtout rencontré des difficultés par ignorance en fait du futur hardware, pardon, plutôt que par, on va dire, la possibilité technique qui vous est offerte via le casque et la PS5. Ouais, c'est ça, parce qu'on a déjà développé Star Shaman sur plusieurs casques, sur du coup deux plateformes. Ça a été Android pour les Quest et PC pour Steam. Steam, merci. Et là, en fait, si on le prend très, très, très, très grossièrement, c'est une sorte de Linux modifié, la PlayStation. Donc, on rajoute quelque chose à ce truc-là qu'on savait déjà faire. On a automatisé pas mal de choses pour essayer de récupérer le temps de l'équipe. On passait à faire plein de choses manuelles. On a parlé des textures, mais c'est aussi les builds. Un jour, ce sera des bots d'IA qui testeront le jeu en boucle, en fait, automatiquement, à chaque fois que quelqu'un modifie quelque chose dans le jeu, pour être sûr que on n'a pas bloqué un niveau. Il y a pas de crash. Ouais, également. Même si crash, on a déjà automatisé ce truc-là. Et donc, en fait, c'est un casque de plus. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est accessible, tu vois, même pour des petits. Petits, on commence à être pas mal assez gros mine de rien, des petits studios, de pouvoir en fait lancer un jeu sur autant de plateformes en même temps, en aussi peu de temps relativement au travail qui a été accompli, quoi. D'accord. Ok. Bon, c'est bon signe du coup. Et dernière question, est-ce que vous auriez pu aller encore plus loin techniquement que ce que vous avez été avec les capacités de la console et du casque ? Il y a toujours moyen de faire plus, toujours. Le truc dans le jeu vidéo, en fait, c'est que tu dois juste dire à un moment que le truc est suffisamment fini pour lancer ton jeu. Mais oui, théoriquement, on aurait pu poster 50 plus, on aurait pu être encore sur Star Shaman, tu sais. Ouais. Star Citizen, quoi. Faut pas se transformer en Star Citizen. No Man's Sky. C'est le gros. No Man's Sky. Je l'ai calé ce soir encore. Oh, tu nous emmerdes avec No Man's Sky. le rendu faux VL, vous êtes en train de regarder ça ou... Alors, on a déjà regardé ça, on l'a déjà utilisé sur Star Shaman. Le truc, c'est que pour pouvoir sortir à la date où on doit sortir, on a dû faire un choix pour commencer à créer la version finale. Et sans pour autant exclure le fait qu'on l'implémentera par la suite, parce que c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magique limite. On a testé du coup sur des jeux qui sont déjà sortis sur PSVR2, où on essayait de suivre le regard mais de la personne qui était dans le casque dans la reprojection qu'il y a sur l'écran. C'est magique, quand tu dis c'est magique, c'est techniquement, tu veux dire, au niveau du gain de puissance ou juste au niveau des features que ça peut amener? Alors, c'est magique pour la personne qui est à l'intérieur du casque, parce que tu ne te rends vraiment pas compte, non. Ça va vraiment très très vite, plus vite que ton temps de focus en fait sur un point différent de ton casque. Mais c'est aussi magique parce que tu peux faire beaucoup plus de trucs vu à quel... c'est vraiment genre un morceau du casque en plus. C'est un morceau de PlayStation en plus que tu peux utiliser parce que t'as tous ces pixels là que t'as plus besoin de calculer à chaque frame. Et au niveau de la mise en scène aussi, parce que ça on y pense aussi de temps en temps, au niveau de la mise en scène de tes jeux, peut-être le fait de peut-être cligner des yeux, on va le voir ça dans... On l'a vu d'ailleurs. Deux jeux qu'il utilise. Switchback. Dans Switchback et dans Before Your Eyes, non c'est, je crois que c'est ouais, bien, ça. Ouais, il me semble bien. Oui. Justement, ça peut t'amener aussi peut-être des idées de gameplay ou de design. Ouais. En plus. Le truc, c'est qu'on vise encore en fait du multicasque sur ce qu'on va couvrir en fait en termes de casque. Et donc même si ces trucs-là sont vraiment cool et ça donne effectivement énormément d'idées. On ne veut pas en fait exclure une partie du parc de casque, que c'est pas disponible partout, effectivement. Mais après, tu vois, ça peut très bien servir d'aide à la visée ou la présélection de boutons, ce genre de choses, qui du coup n'empêche absolument pas le portage, adaptation ou simplement des versions sur d'autres casques. Mais ouais, je pense que comme pour le hand tracking, en fait, tout ce qui est extrêmement spécifique à une seule famille de casques, c'est peut-être pas forcément les choses vers lesquelles on se dirigerait naturellement, en tout cas par rapport à ce qu'on essaie de faire à Ikimacho et ce qu'on essaie de faire dans notre petit recoin de la VR. Ouais, parce que du coup, si vous partez là-dessus, en fait, bah, on peut quasiment considérer ça comme exclusivité. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, on est plus sur un jeu ouvert, comme vous parliez, un plus large public pour toucher le plus de monde possible pour être le plus rentable possible. Bah là, ça serait... Exactement, mais tu vois, Apple on parlait Vision, tout à l'heure des jeux d'horreur, on n'en fera jamais, mais imagine avec le clignement des yeux ce que tu pourrais faire d'abominable. Ah oui. Mais Switchback a essayé. Non, mais même concrètement, si ils l'ont mal fait, mais Switchback a essayé. Dans la scène, c'est pas mal fait. Techniquement, le jeu vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, dans la mise en scène mais de ce passage-là. Si, puisque Laurent disait qu'en fait, t'es obligé de cligner les yeux. Ouais. C'est-à-dire qu'on te dit le but c'est de pas cligner, mais en fait, t'es obligé de cligner pour avancer pour passer dans le jeu, à la scène suivante. Sinon, tu passes pas au niveau. C'est pour ça que je dis que c'est mal fait. C'est dommage. Et ça, c'est dommage. Ouais. Mais quand on pense à cet épisode dans Doctor Who avec les anges en pierre. Ah bah oui. Et que tu retrouves. Pour avoir fait The Edge of Time sur PSVR, il y avait un passage alors, où là c'était en fait en tournant la tête justement. Donc tu tournais la tête, tu la voyais, tu revenais comme ça, t'entendais un petit bruit, tu retournais et puis elle avait avancé 3 mètres en fait. Ouais. Et plus tu faisais ça, plus elle te suivait. Saloperie. Effectivement, c'était flippant. C'était le passage flippant de ce jeu d'ailleurs. J'étais pas très serein. C'était pas bien. Mais ça marchait très très bien pour le coup. Et effectivement, avec light tracking, ça ferait un mariage formidable. Moi, je me mets toujours à rêver en fait d'un David Lynch de la VR, tu vois, un gars vraiment, un game designer qui aurait vraiment des idées visuelles novatrices, cauchemardesques. Parce que pour moi, Lynch, c'est le seul qui a réussi à filmer des cauchemars, quoi. Il y a Bad Dreams qui arrive. Le nombre d'idées justement qui. Ouais, Bad Dreams, c'est 3D créatif. Bordeaux. Ouais. Bordeaux ou Lyon, je sais plus. Non, c'est Bordeaux. Qui sont pétés d'idées. Hein. Franchement, j'adore ces gars-là parce que vraiment dans leur jeu, même si au niveau de l'exécution, en tout cas pour le moment sur la version PC, tout ne fonctionne pas forcément très très bien. Mais alors, par contre, au niveau des ambitions, c'est au top quoi. Et des idées, c'est incroyable. Donc, le travailler un petit peu justement sur des aspects, justement sur une déformation de l'image, sur certains petits passages avec le rendu fovéal. Il y a moyen d'avoir des trucs vraiment, je pense, perturbantes, je pense, et intéressantes. Donc voilà, on va voir si. Du coup, pas de date de sortie. Pas de date de sortie encore. Un prix de... Voilà. Pas de prix encore. Donc pas de version boîte, pas de prix. C'est un tout petit peu tôt. C'est le dernier podcast de la saison. On est ravis de venir. Donc, on peut faire le prochain à la rentrée. Et là, enfin à la rentrée. Pas de date de sortie. Pas de date de sortie. Mais en 2023. Mai en 2023. Bon. Bon bah déjà ça. Et petite question, moi c'est alors admettons qu'est-ce qu'il y a après Tiger Blade, je ne veux pas parler d'un nouveau jeu, éventuellement des DLC, des ajouts quelconques, ou peut-être un nouveau jeu totalement, je ne sais pas. À ce stade-là, vous ne savez peut-être pas non plus d'ailleurs. Alors, mine de rien, quand tu fais un jeu, tu as envie de rentrer plein de trucs dedans et tu te rends compte qu'à un moment, il va falloir en laisser un petit peu sur le côté. Donc, en termes de DLC, on a suffisamment d'idées pour en fournir quelques-uns en fonction de. En fonction du nombre de joueurs qui seront intéressés par le jeu à l'origine. Hein. Et nouveau jeu, bien sûr, on est un studio de jeu, donc on n'arrête pas d'avoir des idées. Tiger Blade, c'était venu d'un proto pendant la période où on essaye de faire 3-4 protos différents et voir ce qui marche le mieux sur une mécanique qui nous intéresse. Et on refait un petit peu ce même brainstorm en ce moment. On a des idées. Ouais. Et d'ailleurs, on a des idées qui vont bien avec le tracking. Sur mes derniers pourcents de batterie, je vais en profiter pour faire un gros bisou à tous les magiciens, les artisans du studio qui, mine de rien, fabriquent le jeu et contredisent tout le temps. Parce que c'est ça de fabriquer quelque chose de créatif. C'est. La confrontation. C'est conflictuel comme relation, c'est mais c'est nécessaire. Et c'est la passion. sensibilités différentes. On t'a perdu, shérif. Plus de batterie. C'est la fin. Voilà, ah, c'est l'autonome. C'est merci, c'est l'autonome. Tu me l'enlèves. Voilà. Tu me l'as piqué. Voilà, alors, là, voilà. Nous, on a des fils partout. Là. Bon, t'es parti avec panache, bah, c'est déjà bien. Donc du coup, bah, merci à l'équipe, ouais. Donc, si j'ai bien compris, qui travaille avec Shérif au sein de Ikimashou, donc pour le travail fourni. Ah, il est revenu. Ouais, cette fois je suis sur le micro du PC. Ok. Donc ouais, bah je vais en profiter, je vais les citer, hein. Vas-y, vas-y. En plus on n'est pas nombreux. Donc du coup je me refais le studio de tête. Il y a Morgan, Robin, Erwan, Mélanie, Arnaud et quelque part à Toulouse on a Amaury. Et ben on leur fait des gros bisous en tout cas et puis. Le coucou est passé. On vous aime, vous êtes les meilleurs. Bon bah c'est cool. On vous dira ça à la sortie du jeu. Ça fait, vous en voulez pas trop. Hein. Ça fait plaisir de voir un studio de développement comme ça où les gens se respectent. C'est ça a l'air con hein, mais c'est pas le cas partout et donc du coup bah ça fait plaisir de voir ça. À échelle familiale. Ouais carrément. C'est ça. Il m'appelle le daron hein, d'ailleurs. C'est contredit parce que on n'est pas une famille et ça on le crie très fièrement. Parce que tout simplement en fait quand tu dis que ton studio est une famille ça crée une sorte pas de dépendance mais plutôt de d'appartenance même plus que ça en fait t'abandonnes jamais ta famille et c'est peut-être des choses qui poussent au crunch et ce genre de choses. Ouais enfin quand je dis à échelle familiale c'est parce que vous êtes pas nombreux hein. Je parlais pas forcément de lien ouais. À petite échelle si tu préfères. une TPE. Voilà. Ouais, c'est ça. Artisanal, PME. Du local. Voilà. Bah, exactement, c'est ça. 10 développeurs, c'est déjà pas mal. Quoi. C'est déjà un studio qui commence à prendre du volume. Quand même. C'est pas... On a souvent des jeux où il n'y a qu'une seule personne, voire deux, des fois 3-4. C'est fréquent en fait. Là, 10, c'est déjà pas mal pour un studio. Ouais. Bah, c'est comme disait Olivier tout à l'heure, justement, c'est un studio qui se développe et qui. Vous étiez combien pour Star Shaman? On était 7 ou 8. 7 ou 8. On a légèrement grossi pour Tiger Lake. Et puis, continuons, quoi. Bah, ouais, okay. C'est le but. C'est le but. Bah, du coup, il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens. Le jeu n'est pas encore sorti. Moi, j'ai juste une petite question. C'est justement comment est-ce que ça se passe au niveau, dans votre tête au niveau du bouclage du jeu. Le jeu, il n'y a pas encore de date, mais on sait qu'il va pas tarder. Tu imagines qu'il va pas tarder. T'as parlé tout à l'heure un petit peu des idées, du brainstorm qui a commencé à se mettre en place pour la prochaine production. Mmh. Mais comment ça se passe dans votre tête une fois que vous avez vous êtes prêt à livrer en fait votre jeu. C'est quoi, c'est un deuil, c'est une naissance. C'est le postpartum créatif. Ouais. C'est exactement ça. C'est une naissance. Tu regardes tous les gens qui vont avoir plein d'avis sur comment il a été fait, en bien, en mal, avec une gestion, une approche perso des goûts de chacun. Tu le sors. Quoi. C'est le principe, c'est de voir comment les gens réagissent, espérer qu'il y en ait suffisamment qui s'amusent avec et qui kiffent. Et tant qu'à faire, qu'ils le disent, parce que maintenant, si tu dis que t'aimes un jeu sur tous les réseaux, bah, ça bénéficie pas mal au studio et ça nous permet d'en faire des plus gros derrière, parce qu'on voit qu'on a une jolie communauté. Donc c'est devenu un truc vraiment important. Et vis-à-vis de l'équipe, t'as besoin de savoir sur quoi tu renvoies un peu avant, parce que garder la dynamique. Certainement, quand tu sors le jeu, il est prêt depuis quelques semaines quand tu le vois enfin commercialisé. Techniquement, on travaille toujours sur les patchs, sur des DLC potentiels, mais c'est pas forcément toute l'équipe qui est affairée là-dessus. Et donc, il faut avancer sur autre chose en parallèle. Et c'est un peu... Alors là, on est sur un timing pas trop mal, parce qu'on approche de l'été, on est même dedans. Hein. Donc je pense qu'on va pas non plus s'acharner sans prendre quelques vacances. Ouais, ça va pas faire de mal. Dès qu'on peut. Là, quitte à découper un peu l'équipe, on fera sans doute des petits trous. quelques semaines pour souffler un peu. Et puis de toute façon, c'est la Gamescom fin août, et c'est à la Gamescom que tu vas voir le maximum de gens pour leur dire voilà, j'ai un nouveau projet, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'on y va, comment, moi je suis chaud, je suis prêt à partir. Paris Games Week aussi cette année, peut-être. Paris Games Week, et puis si tu fais le tour du monde, tu peux aller à GDC et TGS, San Francisco, et voilà. Alors TGS c'est très très public. Et puis, faut un truc. Les autres sont une sorte de stand pro, tu vois, Paris Games Week, t'es tout sous-sol, t'as que les pros qui discutent des trucs. Et puis, alors, je pense que l'année prochaine, tout le monde nous en a parlé en disant c'est génial, mais je ne sais pas si c'est génial professionnellement ou si les gens ont juste aimé y être. Il y a Reboot en Croatie, mi-avril. Et j'ai l'impression que être en Croatie mi-avril, c'est pas une mauvaise idée. C'est joli. Ce que j'ai vu. Ouais, j'ai pour quelle raison? J'ai pas creusé, mais les gens sont revenus en me disant viens, l'année prochaine, venez, c'était c'est bien. C'est sympa. Donc on va voir si on met dans le calendrier pour l'année prochaine, ça peut être une nouvelle destination intéressante. D'accord. Ok. On n'a pas, il me semble pas qu'on ait posé la question. C'est combien d'années de développement, Tiger Blade? Non, pas posé. C'est à peu près 2 ans de développement. 2 ans de développement. C'est comme pour Star Shaman en fait. C'est ça. D'accord. On a eu un petit peu plus, un tout petit peu plus de temps proto. C'est ce que j'ai demandé. Si c'était en comptant le prototype que vous aviez présenté au départ. Vraie question. C'est en comptant les 2 ans, c'est en comptant le prototype que vous avez vendu à la base. C'est après, c'est quand on a commencé à avoir des marques d'intérêt que je compte. Le premier dessin concept de Tiger Blade, qui sont 3 dessins enchaînés et qui montrent le slash and dash, ça vient de là, c'est mars 2021. D'accord. C'est là où on s'est dit, on va le prototyper, ça a l'air sympa quand on voit animé comme ça. Donc tu passes quelques semaines à prototyper et ensuite l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure. Ouais, donc c'est ça, on est à deux ans et en fait pas 2 ans et demi mais chose comme ça. Ok. Et ben messieurs, moi je pense qu'on n'aura plus qu'à tester tout ça. Hein. Et puis, et puis je le crains. Et bah... Je me tarde que ça sorte. Rappelez-moi la date, j'ai oublié. Oh le lourd. Et alors le bébé tigre, il y en a un vraiment dans le jeu? Oui, c'est vrai, on en a pas parlé du tout. Mais c'est vrai. En plus, je me l'étais noté que ça se passe en Corée, tout ça. On n'a pas tout parlé du scénar. Tiger Blade. Je crois qu'on voit bien les blades. Il y a un bébé tigre. Il est sur l'affiche. Il y a des sabres, il y a des flingues, il y a toi sur l'affiche. Il y a aussi un bébé tigre. Ouais. On peut pas ne pas le mettre. Bon, attention, nous on est la génération jaquette où on achetait des jeux sur jaquette qui n'avaient rien à voir avec le jeu que je mettais dans la console. N'oublie pas. Donc on se méfie, nous, tu sais. C'est vrai. Il y a un bébé tigre. Je vous laisserai découvrir dans pas très longtemps à quoi il ressemble. C'est déjà bien qu'il sorte pas en été. Ça me. Ou alors il faudrait le vendre en pack avec une clim. Comme ça, il y a le jeu, et la clim. Et les baskets. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Enfin, vous parliez de les vendre tout à l'heure. Ce sera sur votre site perso, sur un site de e-commerce en particulier ou On n'a pas encore arrêté l'idée. D'accord. Parce que ça fait des. On ne sait pas si ça vaut vraiment le coup. Ah, parce qu'elles sont sympas. Moi, je les trouve stylées. Hein. Merci. Oh, le mec qui veut sa paire gratos. Il veut sa paire gratos. Ah non, alors, c'est bien mal me connaître. Moi qui déjà ne finis pas les jeux qu'on nous file pour les tester si je les teste pas. Donc, non, c'est pour savoir parce que je les trouve sympas. Effectivement, une petite paire dans le placard, je dirais pas non. Quoi. Donc, s'il y a moyen de les acheter quelque part, moi je suis preneur. Et non, je ne veux pas de cadeaux, parce qu'après on va dire qu'on est corrompu, ce que vous voulez. Je dis officiellement, je ne veux pas de cadeaux. Je veux savoir si on peut les acheter. On traitera ça avec tout ce qu'on peut sortir à côté du jeu, c'est-à-dire la version boîte, l'OST. L'OST, ouais. Ça fait partie des réflexions qu'on a, mais pour l'instant, l'essentiel, c'est... Comment, shérif, j'ai pas entendu. Le vinyle. Le vinyle. Ah, le vinyle, d'accord. D'accord. Merci. Ouais, ça a coupé. Oui. Ah, y a... Donc, il y a un vinyle pour l'OST, mais il n'y a pas de galette pour le jeu. Mais c'est fini, ça, monsieur, des galettes pour le jeu, enfin. Mais pas du tout, regardez, parlez-en à El Rocco qui a Allez, full set PSVR. C'est parti pour 3 heures de débat. El Rocco, ton nom est. Ah, déconnez pas, ça, déconnez pas. Me lancez pas là-dessus. Soyez nostalgique, la galette, c'est bien. Pas Just for Game, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'internet, vous avez la galette, vous pouvez jouer à votre jeu, c'est beau quand même. Et je pense que ça suffit, c'est l'argument. C'est l'argument, le seul argument. On n'a absolument pas besoin de nous convaincre. Hein. On est des collectionneurs et des amoureux du jeu vidéo, comme bah, tous les gens présents ici. Hein. C'est simplement une question d'opportunité. Et salut Yann. Ah, salut Yann. Quelqu'un peut lui dire que c'est fini ou pas? C'est fini? Je coupe l'enregistrement? Non. Pas tout à fait. On est sur la dernière ligne droite, exactement. Mais ouais, je pense que voilà, on a fait le tour, comme on disait. Il y a plus qu'à tester maintenant. Et puis, en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça donne manette en main. Ouais. Le concept a le mérite d'être original. Au moins, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Côté arcade, ambiance un peu différente. Ce qui est toujours passionnant après de. Quand on discute un petit peu avec des développeurs comme vous, c'est le souci du détail en fait, dont on ne se rend pas forcément compte en tant que joueur, même au niveau du test en fait, c'est le souci apporté justement à certaines ambiances, certaines recherches. Ça doit être frustrant d'ailleurs de ne pas entendre, de ne pas avoir de retour de joueurs justement sur certains petits trucs. De tous ces petits détails, de tout le travail en amont qui a été accompli, notamment bah, dans la recherche. Mais ce serait pas une poubelle coréenne, ça? Peut-être pas à ce niveau-là, mais il y a parfois des fouineurs qui remarquent certaines choses et franchement, ça suffit. Et là, tu dis bien joué. Ça fait déjà suffisamment plaisir comme ça. Ah, mais c'est bien. Est-ce que votre jeu est gore? Non. On a dit pas d'horreur. Bah ouais. Il y a du sang. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Quand même. Non, est-ce qu'il est gore? Parce que je pense une petite option de bascule. Petite option démembrement. Tiens, mais alors là, le mec est un psychopathe. Il nous a déjà fait un discours là sur les balles dans les chambres des flingues. Là, tu vas te calmer. On va se taper une réputation de barjo encore. Écoute, avec on a tous notre point G. Le tien, il est placé bizarre. Hein, quand même. On réfléchira au mode nugget. Mode nuggets. On réfléchira au mode nugget. Tiger Blade Nuggets. Bon, et un petit détail aussi dans le trailer, j'avais l'impression qu'il y avait des onomatopées en coréen aussi, non? Ouais. Oui. J'ai vu des trucs et j'arrivais pas à lire. Je dis tiens, ça doit être. Alors c'était très graphique, mais je me suis dit tiens, ça doit être du coréen. Comme ouais, c'est ça, ouais. dans les FX, il y a des onomatopées. Ouais. À quoi servent la petite jauge qui se remplit de manière discrète, subtile, dans votre trailer autour du bras, du poignet? Vous avez une petite jauge verte. À quoi sert-elle? C'est une vieille UI de la vie. UI qui a largement changé depuis. Ah oui, parce que oui, la version de la vidéo, ça date déjà il y a plusieurs mois. Donc, ouais. À mon avis, c'est même un truc qu'on verra. Entre temps, il y a eu d'autres versions qui ne fonctionnent pas. Et là, on est une UI qui fonctionne. D'accord. Donc, en fait, c'était le truc à côté, là, c'était la vie. D'accord. On s'en rend compte que c'était pas le truc le plus lisible. Je pensais que c'était une jauge qui se remplissait et qui activait le mode nuggets ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, je pose des questions. Non, désolé de décevoir. C'est affreusement pragmatique. D'accord. Aucun problème. Et qui a fait le trailer d'ailleurs? C'est vous ou c'est. La partie marketing de. Ah, c'est une société externe qui est spécialisée là-dedans, ok. C'est ça. Oui, l'application a été faite sur PS5 parce que c'est obligatoire quand tu travailles avec Sony. Donc, c'est mieux. Ouais, on a des. Combien c'est de bon c'est. Ah non, mon dieu, non. Les captures en 4K, tout là, c'est gigantesque. Ah, ça nous intéresse. Si vous avez du gameplay pour imager ce podcast, éventuellement, ah ouais. On est preneurs. Hein. En vrai, j'allais vous demander après l'émission. Après, on, le, le trailer, dans sa résolution native, il fait 54 secondes et il fait combien ? On l'a vu tout à l'heure. 2,5 gigas, je crois. Non, plus que ça. Il fait 6 ou 7 gigas. Ouais. Grosse def. Ouais, ah, mais 6 gigas la minute, ouais, c'est pas mal. Bon, ça, avec des textures à 36 gigas, moi, c'est, 36K, pardon, moi ça m'étonne pas. C'est un vieux copain à moi qui fait 5 giga 80. En fait, c'est la boîte qui nous l'a fait, c'est une boîte qui s'appelle JAX, J-A-X. Si vous tapez Make Entertainment, M-A-K-E, Entertainment. Et après JAX, en fait, c'est une boîte qui a été recommandée par un vieux copain à moi, qui fait des, entre autres, qui a entre autres fait le trailer du dernier film du dernier jeu de Bungie, qui a été annoncé au State of Play là il y a pas longtemps, dont le nom m'échappe complètement, mais il a fait ce trailer là. Et Marathon, merci. Il est aussi très connu pour avoir fait toutes les title sequences, donc les génériques de True Detective et compagnie. Donc c'est lui qui a établi en fait ces codes. Et donc c'est un vieux copain. Et en fait il nous a mis en relation avec un copain à lui dans une société à Los Angeles qui s'appelle JAX, qui nous a du coup fait le trailer. Et ils ont fait le trailer pour Joker, pour Avatar, pour House of the Dragon, machin. Last of Us, making the title The Last of Us. Tiens, ça peut te plaire. Voilà, et donc c'est eux qui nous l'ont fait. Et on trouvait qu'ils avaient fait un super boulot. Non, en tout cas, ça a le mérite d'être efficace, quoi. Donc, donc voilà. Alors, en fait, on s'est dit, les Français savent faire des bons produits, mais ils savent pas les vendre. Les Américains, ils savent vendre des trucs. Donc, on allait voir les Américains pour faire un trailer. Mais ils savent pas les faire. Ils savent pas faire les produits. On sent le dédain. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit l'inverse. Hein. T'as dit ce que tu pensais du cinéma américain, donc c'est bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Tu l'as dit. C'est depuis Iron Man 2. Voilà. Non, les blockbusters. Ouais, c'est vrai, tu avais parlé des Marvel, c'est vrai. Qu'il n'y avait pas un seul bon Marvel depuis Iron Man 2. J'en ai pas vu un depuis Marvel. Bref, peu importe. On va pas rentrer dans le. Ah, il y en a des débats. Le lance pas. Il y en a, un qui est en train de bouillir à l'intérieur. Je suis vert fort bouillir, tous les sujets sont soumis à débat. C'est ça. Mais c'est ça. On arrive quand même à 2h30 d'émission, ce qui est déjà quand même pas mal. Il y en a un qui va être content. Je pense que oui, je vais bien m'amuser encore. Et du coup, hâte de le tester, hâte de pouvoir en parler. Je pense de toute façon dès qu'il sortira et dès qu'on aura l'occasion de mettre la main dessus, pour pouvoir vous faire un petit retour sur ce jeu-là. Et puis, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas pour votre disponibilité, la bonne humeur et puis la passion quoi qui émane dès que vous parlez de votre jeu, du développement et des idées. Et donc voilà. Après, je sais que nos propos des fois sur notre vision un petit peu du jeu vidéo peut être irriter quoi, surtout quand on a vraiment les deux pieds dedans, quand on est développeur. Ça reste une vision de joueur. Ça reste, on est de l'autre côté de l'autre côté un petit peu de la barrière, et c'est vrai que c'est la nôtre. Et c'est la nôtre, mais c'est toujours intéressant justement de confronter un petit peu. Attends, quand il y aura la vision d'Internet, là ça va tirer à la barrière. Juste après, juste en dessous, c'est Twitter. On a l'avertissement, nous. Voilà. En dessous, c'est Twitter, et là par contre ça traite les mers, hein, donc c'est pas, c'est un peu moins sympa. Non, mais le problème c'est qu'on n'a pas commencé hier, et puis on est tous plus ou moins vieux. Et on a joué à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a des sensibilités différentes. On est même sur certains jeux qu'on a testés ensemble, on arrive à ne pas être d'accord. C'est souvent. Ce qui fait. Et on se brasse souvent. Donc, mais c'est ce il est super ce jeu. Fait. Non, il est nul. Mais non, je dis qu'il est super. Alors des fois, ça en finit pas en fait. On fait la même. Hein. Nous au studio, on travaille sur le même jeu. On joue pas. Je crois que Final Fantasy, ça rassemble quelques-uns. Mais autrement, et encore, ça dépend si c'est le 15, le 14. Ouais, ça dépend lequel. Oui, parce qu'il y a des versions. Ouais. Je dis ça, mais FF. Hein. Autrement, je crois qu'on a tous des goûts assez différents. C'est assez drôle. On file des jeux. Au-delà de ça, en fait, le jeu. Sauf l'horreur en VR qui est assez unanime au sein de l'équipe. Non, et puis après, en fait, vous avez une vision de joueur, mais c'est la vision de joueur qui est importante. In fine, on fait des jeux pour vous. Enfin, c'est vous nos clients. Au-delà du fait que le côté on fait des jeux pour nos joueurs d'Ala, en fait, il faut que ça plaise aux joueurs parce que c'est eux qui achètent les jeux et ça paye le loyer. Donc en fait, c'est votre vision et votre perception est tout à fait légitime. Et, t'es tellement pragmatique, Yann. Non mais enfin, c'est vrai. Le média training est nul. Le côté en fait, il y a des efforts derrière. Oui, de toute évidence, il y a des efforts derrière. Mais en fait, si les efforts ils sont ratés, on s'en fout des efforts, tu vois. Donc du coup, on prend les retours et après, oui, de temps en temps, on prend un truc dans la gueule. C'est vrai que on avait mis le petit truc alpha footage, voilà. Donc on sait que les textures elles sont pas, voilà, il y en a qui le voient pas, ou, tu vois, qui savent pas ce que c'est qu'une alpha. Bon bah voilà, c'est le jeu, hein. On sait. Il y a eu toute cette histoire de les graphismes, c'est ce qui vient en premier dans un jeu il y a quelques mois. Oui, avec GTA, c'était assez marrant. Avec GTA en disant, vous avez suivi ça? Ah non. Avec les fuites de GTA 6, non? Il y a eu un leak de GTA. Ah oui, d'accord. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, non, mais en plus, on sait très bien que les graphismes, c'est la première chose qu'on fait dans un jeu vidéo. Le mec était sérieux. Ah bon? Et il y a plein de studios, du coup, qui ont posté des vidéos. Oui, je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Il y a les mecs de Horizon qui montraient leurs dinosaures Lego. Ah bah oui. C'est vrai. En bloc, en disant, ouais, c'est comme ça qu'on y joue pour l'instant. c'est vrai. C'est marrant. Belle unité d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas le genre de truc qu'on voit en général. Et puis il y en a un qui a lancé, et puis l'autre, et puis ça a suivi. Et puis pour une fois que Twitter fait quelque chose de bien, c'est vrai. On va pas s'en plaindre. C'était beau mouvement. C'est assez vrai. Incontrôlable Internet, hein. Ça peut partir dans un sens et un autre, et des fois tu sais pas pourquoi en plus. Donc, on regarde pas. Des intérêts divergents. On regardera Metacritic. Ouais, c'est pas plus mal. donc voilà, bah merci en tout cas pour votre participation une nouvelle fois et puis merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Mais oui, avec grand plaisir. Voilà. Et puis dès qu'on a une date ou un prix, ouais, un chiffre quoi, quelconque, un chiffre, on vous dit ça. De la matière quoi, quelque chose. Le 4, le 6 aussi. Non. Voilà. C'est dans l'année. Voilà. Et de toute façon, voilà, on donnera les infos dès qu'on les aura. Et puis voilà, donc bah merci. Voilà. Maintenant, la place est chaude. Hein. Vous avez vos sièges attitrés, donc vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Merci aussi, messieurs de l'équipe, pour d'avoir encore assuré avec brio cette saison entière d'Autour d'un VR. Voilà. Et moi, je voudrais juste aussi dire un petit truc. Laurent, c'est la tradition. Il y a cru. après avoir écouté notre bon. Je peux pas le virer, c'est le chef. Sur Tiger Blade, on va publier une interview aussi. Donc, il y aura tout un tas d'informations avec les questions-réponses du studio sur le jeu Tiger Blade sur le site. Certainement que ce sera publié avant que le podcast arrive. Donc, tu mets en défi sans la nuit blanche. Tu mets au défi. Ah quoi que non, attends. Non, ce sera peut-être lundi ou mardi. Mais ouais, disons quand le podcast va arriver, ça sera pas loin d'être publié. Voilà. Le défi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir suivis. J'ai pas fait du tout d'instant promo, mais bon, si vous nous écoutez, vous savez où vous retrouvez. VR4 Player, VRAC, Tipeee, la chaîne Tipeee, et merde, qu'est-ce qu'on a dit, PodCloud, iTunes, Deezer. Si vous nous suivez, de toute façon, vous le savez. Voilà, exactement. Tous les trucs qu'il faut, là. Les pouces en haut et tout. On n'aime pas se répéter. Comme ça, c'est réglé. Exactement. Voilà. Merci, messieurs. On vous souhaite une bonne sortie de jeu en tout merci, cas. Et puis des bonnes exactement. Vacances bien méritées. Et puis à nous aussi. On se retrouve dans 2 mois pour la prochaine. Ou alors, comme d'habitude, je le dis tous les ans, mais à chaque fois on le fait pas. Si on a une belle occasion de sortir une émission pendant l'été, on le fera. On l'a jamais fait, mais on sait jamais. donc voilà. Allez, bisous et puis bonnes vacances et bonne VR. Ciao. Ciao. Tchuss. Salut. D'accord. Ah, un copain. Ah. C'est deux phrases, ça fait du bien. Pas du tout. Ça fait du bien de pas être seul sur Mac. Ah oui, alors si Laurent freeze, on fait comme si on l'avait pas vu. Hein. Ah oui. Très important, ne pas prêter attention quand il est bloqué. Alors, en plus, il y a un double problème ce soir, c'est qu'il y a à peu près une heure de ça, il y avait pas mal d'orages et j'ai eu des coupures de courant. Donc je me suis, c'était à 20h à peu près, j'étais dans le noir. T'es en train de nous dire qu'on verra pas la différence avec une météo normale. Donc si vous voyez que je bouge, si vous voyez que je bouge plus, c'est que je suis allé relancer le disjoncteur et le temps de revenir quoi. C'est le chef le plus mal équipé en internet. C'est ça. C'est bon, j'ai un Audacity qui enregistre. Nickel. Et juste votre piste, hein. Enfin, je suis chiant avec ça, mais c'est super important. Ouais. Ah. Tu veux prendre le Chris pour tout à l'heure, pour illustrer? Le? Yann. Tu veux prendre le Chris qui est à côté? Ah, le Chris Vector, oui, pardon. Oui, bien sûr. Le Vector. Ah, attends. On ne peut pas, mais... Ah oui, il est là. On vous montre tout à l'heure. Ça fait partie des recherches. Bien sûr. Intéressant. Mm. C'est vrai? On expliquera. Il y a des boîtes qu'on est nerf, nous on a des. Pas de quel jeu tu parles. C'est beaucoup plus compliqué que je pensais. Non, parce que la pièce est grande en fait. Excusez-moi, j'ai raté une blague, ça aurait été beaucoup plus drôle si j'avais enlevé mon t-shirt et que j'avais fait ben voilà, me voilà, mais en fait j'avais rien compris. Voilà. Mais voilà. Surprise. Bon, mais bon. Allez. Allez.